Yushka, Tuki, Adrien, Funeli, Ika et Madi. Faucon Millennial, le podcast le plus gauchiste de la galaxie. Il y a un truc que j'ai trouvé moyen dans le jeu et j'aimerais bien en parler. Voilà, je vais pas en parler maintenant. Peut-être que vous allez être d'accord avec moi, mais... Ça va être un truc pas. À la con encore, non. Ah oui, sûrement. Non, mais parce que des fois, tu prends le truc super sérieux et tout, et en fait, c'est un truc nul à chier. Non, alors en vrai, c'est pas un truc nul à chier. Mais j'ai hâte d'avoir votre avis. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et aux autres et bienvenue dans Faucon Millennial, le podcast le plus patché de la galaxie parce qu'en fait il était sorti, ça renaît même attends, pas attends, 30 on n'a pas fait 3, 2, 1 prout. On n'a pas fait 3, 2, 1 prout. Ah ouais, merde. Ouais, quand même. Oh. Là, le Gruskov du futur est en train de me remercier actuellement. Jamais il ferait ça. C'est vrai. Bah vas-y, je te laisse l'honneur, vas-y, commence. 3, 2, 1, prout. C'est super. Pour une fois, c'est synchronisé. Chez moi, en tout cas. À peu près. Je suis Grushkov et je serai votre capitaine aujourd'hui, accompagné de mon fidèle équipage. Au complet. juste Adrien et Ika. Comment ça va, mes petits bébés? Mais ça va. Ça va très bien. Bah, super. Vous avez l'air super enjoué. C'est bien. On parle d'un jeu qui est déjà has-been, en fait. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. On est en pleine hype Zelda maintenant, c'est fini. Enfin, au moins, il y a un truc que Survivor fait vraiment mieux, pour le coup, c'est qu'il n'est pas écrit avec le cul. Hein. Les dialogues ne te donnent pas envie de te pendre. Donc ça, c'est déjà bien. Le 28 avril dernier sortait le second volet de la saga de jeux vidéo développé par Respawn Entertainment, Star Wars Jedi, nommé Survivor. Faisant suite à l'acclamé Fallen Order, il avait la dure tâche de nous donner plus de ce qu'on avait aimé dans le premier volet, sans en faire trop à la Force Unleashed. Comme son prédécesseur, il est dirigé par Stig Asmussen et écrit par Aaron Contreras et Danny Howman, entre autres, parce que bon, il y a énormément de writers, de scénaristes. Sur plein d'éléments différents dans les jeux vidéo, mais c'est les principaux. L'intrigue, cette fois-ci, se déroule 5 ans après Fallen Order, et les joueuses retrouvent Cal Kestis, désormais chevalier Jedi, et accompagné d'un nouveau crew, à l'exception du merveilleux, du seul, de l'unique, BD-1. On a tous fini le jeu ici, du coup, et on va parler... avec spoilers, mais avant qu'on parte en mode spoilers, j'aimerais bien, mes chers Adrien et Ika, que on donne notre avis sur le jeu sans rien dévoiler ni rien, mais notre avis global dessus. Et puis après, on passera aux choses sérieuses. Et j'ai envie de commencer cette fois-ci par Ika. Oui. Oh. Ça fait quoi d'être le Adrien aujourd'hui? C'est toujours un plaisir d'être le Adrien d'aujourd'hui. Sauf mieux vaut être le Adrien d'aujourd'hui que le Adrien d'hier. Ou celui de demain, parce que la vache. Ou celui de demain, c'est encore pire, effectivement. Donc vas-y. Du coup, moi j'ai trouvé le jeu super. J'en attendais pas grand-chose en vérité de mon côté. Hein. J'avais pas la même hype que vous deux, je pense. J'avais beaucoup aimé Jedi Order, mais c'était un super jeu. Voilà, c'était un super jeu dans Star Wars, et c'est ce qu'on disait dans la dernière émission. Du coup, je m'attendais juste à avoir un super jeu dans Star Wars à nouveau qui suivait exactement la même ligne, mais en fait, j'étais agréablement surpris parce qu'ils ont poussé les potards de tout ce que j'aimais bien dans le premier à fond. Et le jeu, il est pas sans défaut, très très loin de là, mais il est vraiment incroyablement mieux que le premier. Qui était déjà bien, et du coup ça fait voilà, la dernière fois on se demandait si quel était notre meilleur jeu Star Wars. Je pense que Survivor est mon meilleur jeu Star Wars maintenant. D'ailleurs je crois que je l'ai laissé à la fin, ouais. J'ai laissé ce point là du précédent du précédent conducteur. Très bien. Et toi, mon cher Adrien? Écoute, je pense que Ika a bien résumé les choses. Ouais, c'est un dommage. Jeu que je trouve merveilleux de plein des manières. Il est vraiment bien écrit. Il est super super cool. Le gameplay il est vraiment top. C'est toujours autant jouissif de se battre au sabre laser. C'est vraiment un jeu qui alors moi je contrairement à Ika, peut-être j'en attendais beaucoup beaucoup beaucoup, et malgré tout j'ai réussi à me dire waouh, incroyable, ils l'ont fait quoi. C'est comme alors gauche, désolé je te pique ta phrase, mais comme tu disais juste après l'avoir terminé, c'est un très bon Star Wars. Et c'est vrai, c'est pas qu'un très bon jeu, c'est aussi un très bon Star Wars. Bon, ça va, je pensais que t'allais piquer un vrai truc, mais ça reste simple. Oui, bah voilà, bah, du coup t'as parlé à ma place, j'ai plus rien à dire maintenant. Ah bah non, tu dis quand même un truc, hein. Bah, j'étais plus comme toi, j'en étais arrivé à un point où dans les semaines, et vraiment ouais, les deux dernières semaines avant la sortie du jeu, j'étais incapable de fonctionner. Parce que j'attendais le jeu. Et du coup, tant que le jeu n'était pas sorti, j'arrivais à rien faire du tout. Alors, la semaine voilà, où est sorti le jeu... C'était des jours où j'étais... Non, mais la semaine où est sorti le jeu, j'ai vraiment été la personne la moins productive de la Terre. Ouais, c'est ça. Hein. C'est ça, j'arrivais à rien faire. Et pourtant, on a fait pas mal de trucs avec Faucon Millenial. Oui, je sais pas comment on a réussi. Ouais, je sais pas. Mais ouais, voilà, on était moi j'étais sur ce niveau-là de trucs. Et du coup, bah depuis je l'ai fait deux fois. Je suis pas du tout, je suis tout à fait normal, je suis pas du tout obsessionnel. Tout va bien. Mais tout ça pour dire que j'ai trouvé ça sympa, ouais, sans plus. Sans plus. Non, mais c'est vraiment un de mes Star Wars préférés. Juste de tous médias confondus. Hein. Et ce qui n'était pas le cas de Fallen Order, malgré tout, même si c'était vraiment du très haut niveau, c'était très très réussi, mais il y a ce petit truc en plus dans celui-là qui m'a fait vraiment... Ouais, voilà. C'est un très bon Star Wars. Excellent jeu vidéo, mais évidemment qui a ses défauts. Alors moi, par exemple, j'ai joué sur PlayStation et j'ai l'expérience inverse de tout le monde, dans le sens que le jeu, au départ, il était parfait, et plus ils font des patchs, plus je commence à avoir les problèmes que les gens avaient depuis le début. C'est-à-dire que plus ça va, moins mon jeu est stable, mais... Je commence à avoir des drops de framerate et tout, alors que avant le jeu il était j'avais la version la plus polished du jeu dans le monde entier, et sur PC c'était injouable littéralement. Ouais, du coup, si on parle de ça, il faut forcément qu'on évoque ce sujet, parce que c'est oui c'est le gros point noir du jeu, hein, en dehors des choix qu'ils ont pu faire pour les planètes, pour les dont on va parler après, etc. qui sont pas forcément sans défaut et tout. Il y a ce point noir là, c'est le jeu manque de finition. Il aurait dû sortir pour Noël, je dirais. Ouais, c'est ça. Ouais, moi j'avais dit novembre comme le précédent, tout simplement. Ouais, c'est vrai. Le précédent était sorti en novembre et je pense que ça aurait fait une énorme différence. Et parce que moi j'ai joué donc sur la version PlayStation 5 aussi. Mm-hmm. Adrien, toi t'es sur la version PC, hein, c'est ça? Ouais. Donc c'est toi qui as eu. Je pense que c'est toi qui as dû avoir le plus de problèmes, j'imagine. Ouais, mais je suis pas. Encore une fois, je pense un exemple parce que j'ai un très gros PC et j'ai pas, à certains moments, rencontré de problèmes. À certains endroits, dans des grandes étendues, notamment sur une planète en particulier, il y avait pas mal de. Enfin, ça ramait un peu. Mais autrement, je pense que j'ai eu beaucoup de chance. Ah, t'as eu que des problèmes du type ça rame, quoi. Ouais, non, moi c'était quand même jouable à chaque fois. Ah, moi, de mon côté, c'est pareil, j'ai rien eu de bloquant, mais j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de bugs d'animation et visuel, en fait. Alors, Maintenant que tu le dis, Ika, je sais pas si c'est le lieu pour en parler, mais je sais que les options d'accessibilité marchaient une fois sur deux. Sur PC, en tout cas sur ma version. Et je sais que j'ai rencontré pas mal de problèmes d'ordre technique, mais technique du gameplay, pas forcément dans le visuel en fait. Par exemple, il y a une option dans l'accessibilité pour activer le toggle et le hold. Donc c'est-à-dire que pour attirer un ennemi à soi, au lieu de rester appuyé sur une touche, on peut juste appuyer un coup et ensuite réappuyer pour relâcher. C'est ce que je voulais faire, sauf qu'en fait le toggle hold, eh bien, ne marchait pas. Et à chaque fois que je mourais ou que je tombais dans le vide, il fallait que je réactive dans les options pour pouvoir activer le toggle. Donc c'était un enfer. Pareil mais pour ça, c'est typiquement un manque de finition, par exemple. Ah, ils auraient suffisamment testé le jeu, ils auraient vu ça, et c'est facile à corriger, ça. Mais enfin, je bien pense. Sûr. Et c'est pareil, j'ai aussi une stance au sabre à laquelle je n'ai pas du tout pu jouer parce que la touche correspondant à l'entièreté, on va dire, de cette stance ne fonctionnait pas avec ma config, alors qu'elle fonctionne sur d'autres stances. C'est ce qui n'a aucun sens. C'est oui, je m'en souviens, t'en avais parlé. Mm-hmm. Ouais, bah moi, de mon côté, au niveau des bugs visuels, je peux parler par exemple de la barbe. Je pouvais mettre une barbe sur Cal Kestis, on peut personnaliser Cal, hein, on verra après, mais il redevenait un berbe. Dans les menus, la barbe apparaissait, mais en jeu, il redevenait instantanément un berbe. Eh ben, vous savez quoi? J'ai découvert qu'on pouvait lui enlever sa barbe de 3 jours grâce à vos screenshots, parce que moi, dans le jeu, ça marchait pas. Quand je cliquais sur enlever la barbe de 3 jours, là, clean, ou je sais plus comment ça s'appelait. Bah, en 0 mm ou 0,3 mm, je crois, non? C'est en fait, ça changeait pas. Ça changeait pas in-game. Donc, et même dans le menu de personnalisation, ça fonctionnait pas. Donc, il restait avec sa barbe de 3 jours, il était très beau comme ça. Et je pense que j'aurais voulu, quoi qu'il arrive, le garder comme ça. Mais c'est dommage de pas que ça marche pas. Je sais pas pourquoi ça fonctionnait pas. Mais moi, même si je lui mettais la grosse barbe, là, je revenais en jeu, il était un berbe, comme dans Jedi Order, c'était assez impressionnant. Et au bout d'un moment, c'est parti en vrille, les textures ont complètement vrillé. Il y a des super, screenshots sur le Discord où les poils sont apparus sur tout le reste de son visage, sauf là où ils sont censés être. C'est la pire chose que j'ai jamais fait de ma vie. C'était incroyable. C'était voilà. Et moi, c'est que des bugs comme ça. Avec, j'ai une stance où on a une deuxième arme et l'arme se baladait toute seule autour de moi tout le temps. Et ça a été ça pendant tout le jeu. Hein. Ça s'est jamais corrigé. Les patchs n'ont jamais rien changé. Et pourtant, je l'adorais la stance. Alors, je l'utilisais beaucoup. C'est l'une des deux stances que j'ai utilisées. C'est celle tout le jeu. Que Adrien pouvait pas utiliser d'ailleurs. Absolument, d'accord. C'est celle-ci. Ouais. Et du coup, bah moi, j'avais juste une des deux armes qui était complètement autonome, qui vivait sa propre vie autour de moi. C'est vrai parce que moi, j'ai pratiquement fait tout le jeu avec celle-là d'ailleurs. Hein, donc, je sais pas comment j'aurais pu vivre avec ce. Et ça alors, autour question. De moi. J'ai une question du coup, Ika. Est-ce que ton Cal, avec sa barbe, commençait à parler de Shiryuk? Ça aurait été trop bien. Mais en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai désinstallé le jeu de la PlayStation 5, je l'ai réinstallé et j'ai repris ma sauvegarde directe et là, ça marchait. J'avais plus le souci de barbe. J'ai vu sur Internet qu'il y en avait d'autres qui avaient eu le problème, plutôt côté PC d'ailleurs. Ce bug, il arrivait surtout côté PC. Et côté Xbox, moi, j'étais l'exemple côté PS5. Du coup, je l'ai enlevé, mais j'ai eu un peu regretté parce que de toute façon, mon expérience... En fait, j'aime trop avoir un Cal Kestis sérieux et je voulais avoir une expérience sérieuse et du coup j'ai quand même désinstallé, réinstallé parce que j'aimais bien avoir un beau Cal Kestis quoi, comme tout le monde. Bon, c'est difficile parce que bon, il a son visage de base, mais bon. T'es un gros bâtard. Et donc du coup, le bébou. Et il est mieux que dans le premier. Ouais. Ça, c'est la barbe de 3 jours. Ils lui ont réduit la taille des yeux en fait et ça fait moins chelou. C'est vrai. Mais parce qu'en fait, il ressemble vraiment à l'acteur, en fait, c'est pour ça. Oui, c'est dans ça, en fait, il ressemble un peu plus, et du coup... Ouais. Dans l'un, il est un petit peu plus cartoon, en fait. Ouais, c'est ouais, ça. Ouais, complètement. Et du coup, tout ça pour dire que, comme j'étais attaché à faire ça comme ça, j'ai désinstallé, j'ai réinstallé, mais j'ai eu quelques regrets, parce que de toute façon, comme j'ai eu d'autres bugs qui ont complètement cassé ce côté-là dans ma partie, j'ai regretté un petit peu, et je me suis dit, j'aurais dû faire tout le jeu avec son apparence de Wookiee, d'autant que dans les cinématiques, ça restait. Oh non. Du coup, j'aurais dû faire j'aurais dû faire toutes les cinématiques les plus terribles avec cette apparence-là et tout clipper pour faire des cauchemars à Gru. Non, mais alors. En vrai, je peux comprendre que tu aies préféré l'enlever parce que, surtout pour ta première run, quand tu découvres un truc, c'est quand même bien de le faire un peu sérieux, quoi. Ben oui, mais tu vois, pendant les cinématiques, là, notamment les cinématiques de fin, où forcément il y a des cinématiques où il a son arme à la main et tout ça, et voilà, il y a des moments de combat vers la fin. Comme j'étais dans la stance, la fameuse stance dont on parlait tout à l'heure, dans toutes mes cinématiques, il y avait la seconde arme qui volait partout autour des personnages pendant la cinématique. Pendant les cinématiques. Mais oui, pendant les cinématiques, ça bug pareil, parce que c'est des cinématiques qui sont calculées en temps réel. Voilà, c'est ça. Ah, et du coup, bah, les bugs, ils restent pendant les cinématiques. Yes. Moi, c'était les cheveux. Yes. Moi, c'était les cheveux, parce que j'ai joué pratiquement tout le long avec une coupe de cheveux qui est un peu longue. Mais alors, le vent, des fois, il est pas bien géré. Et des fois, il fait des petits mouvements. Et en fait, t'as tous les cheveux qui se dressent sur la tête. Et c'était assez rigolo. Moi, j'ai fait le jeu avec les cheveux, pour le coup, vraiment longs. Et qui descend vraiment jusqu'aux joues, enfin jusqu'au cou, mais vraiment par les joues devant en fait. Et il y a des cinématiques où je voyais pas le visage de Cal, c'était rigolo. J'ai l'impression d'être face à cousin machin dans Adam's Family où tu sais on voit jamais son visage. Et du coup c'était rigolo. C'est pour le coup normal parce qu'il avait les cheveux longs, mais je pense qu'ils ont peut-être pas pensé à toutes les coiffures au niveau de la scénographie ou de la réalisation de certaines scènes. Tu vois, tu dis merde. Moi, celle que j'utilisais, ça marche. Pareil, j'utilisais la coupe mi-cheveux long, là. Pareil, les cheveux, les cheveux un peu longs, détachés. Je pense que la même que Grus, j'utilisais beaucoup ou le bun. Winsweat, ça... Moi, c'est du coup, je pense que c'est pour la tienne qui était. Ouais, je pense. La mienne, c'était un peu bizarre. Mais sinon, c'était très bien. C'est ce que je voulais. Mais au final, je pense que c'est important de commencer le sujet en parlant de ces points noirs-là, du jeu qui n'est pas très opti. Et en fait, à l'heure où on est en train d'enregistrer, c'est toujours pas corrigé. Il y avait encore beaucoup de problèmes. Alors, attends. Je suis actuellement en train de update mon jeu, là. Donc, c'est qu'il y a une mise à jour. Oui, il y en a eu une mise à jour aujourd'hui, je crois. Ouais, elle fait 3 gigas, donc ils doivent être en train de travailler dessus quand même, quoi. Bah, ils travaillent, oui, voilà. De toute façon, ils vont corriger tout, hein, c'est quasiment sûr. Mais pour la version PC aujourd'hui, je regardais un peu hier où c'en était et c'est quand même encore un peu problématique. Donc, faut quand même prévenir là-dessus. Le jeu est merveilleux. Ouais, il faut savoir qu'il y a beaucoup de bugs. Voilà. Il a des sales notes sur les trucs genre Steam et tout, et c'est complètement normal. Mais c'est pas lié à la qualité de ce que le jeu propose. C'est vraiment juste le. Ça, c'est hier qui a fait son hier, encore une fois. Mais bon, après, ça. Mais bien sûr, c'est comme. Il y a des éléments qui ont été mis dans le jeu dès sa sortie qui n'étaient pas dans le jeu dès sa sortie pour Jedi Order, on en parlera plus tard. Vu toi Grush, tu l'as fait deux fois. et du coup, bah, même ces éléments-là, ils sont pas complets, ils sont pas bien finis non plus, quoi, parce qu'ils n'ont pas eu le temps. Ça se sent, ils n'ont pas eu le temps. Ouais. Je suis sûr que ils feront comme pour le premier, et ils rajouteront aussi du contenu après. Même si c'est que des petits trucs comme dans le premier jeu, ce sera toujours bien. Bah, mais maintenant on va peut-être partir. Vas-y. Et je préfère autant en fait, parce que personnellement, ça me permet de me remettre dans le jeu quelques semaines, quelques mois plus tard. Ouais, c'est ça. Ça me permet de me replonger. Et d'autant que là, on le disait, tout le monde est dans la hype Zelda et moi la première. Ah oui, ça y est, c'est fini. Tout le monde a oublié. Là, on va sortir l'épisode. Personne ne va écouter. Tout le monde va dire mais attendez, c'est pas Zelda. C'est pas Zelda. Votre jeu, il est sorti l'année dernière. Et quand est-ce que vous faites un épisode de Hyrule Millennial, là, putain? Pas maintenant. Et du coup, on va passer maintenant dans le vif du sujet. Alors, on peut parler du gameplay sans être vraiment spoilers, mais bon, on va dire qu'on passe dans la zone spoilers quand même. Donc, si vous avez vraiment pas envie, attendez encore quelques patchs, puis... vous pouvez le prendre après. Et puis après, revenez nous écouter. et on va passer, du coup, au gameplay. On va reparler exactement comme dans ce qu'on a fait pour Jedi Fallen Order. On va parler d'abord du gameplay. Et tout simplement, c'est le même gameplay, globalement. Ça n'a pas bougé. Dans le sens ça où ça se amélioré. Joue pareil. Tu passes d'un jeu à l'autre. Même s'ils ont ajouté pas mal de trucs, le feeling est toujours le même. Même si chaque posture a son propre feeling, et ça c'est quelque chose qui est très bien. Même si j'ai un peu de mal parce que y a un problème avec ce truc de posture aussi qui est que tu as vite tes préférés et c'est très difficile de passer aux autres, je trouve. Ouais. Mais voilà, sinon ça se joue exactement pareil, même le traversol. Vraiment, tu passes du premier au deuxième, les yeux fermés, et puis bon, bah, tu tombes dans tous les trous, mais ça se joue exactement pareil. C'est d'autant plus vrai qu'on reprend le jeu avec les compétences globalement. On en avait parlé pendant l'émission Jedi Order, mais ouais. Pour Jedi Survivor, ils ont fait cet effort incroyable de dire... c'est la suite, donc vous récupérez votre personnage en l'état. Donc toutes les compétences qu'on avait acquises dans le premier, on les a pas subitement perdues à l'arrivée du deuxième. Voilà, on les raffine au fil du jeu. Oui. Et on va améliorer tout ça, il y a encore un arbre de compétences, etc. Mais on récupère tout, et du coup dans le mode de déplacement du personnage, dans les combats, etc., quand on finit le premier et qu'on arrive sur le deuxième... Ça se joue globalement pareil. Oui, ouais, c'est ça. C'est ça. On retrouve les mêmes mécaniques, les mêmes réflexes, etc. Après, voilà, très vite, on a des trucs nouveaux aussi, hein, dans les pouvoirs et dans le traversal, comme le grappin, qui est intéressant. Il est hyper contextuel, pour le coup. C'est pas genre... Ouais. Celui de Batman ou un truc comme ça, c'est vraiment, il faut un point d'attache pour le grappin. C'est pas plus mal en vrai, c'est pas, et j'aime beaucoup la plupart des animations avec, en plus ils sont obligés de faire ça parce que j'aurais bien aimé l'utiliser n'importe quand, et même en combat ça aurait été fun de pouvoir l'utiliser. Ça par contre, ouais, ça aurait été très très fun, mais après t'as la force, donc ouais, c'est vrai, c'est vraiment si... okay, ouais, voilà, c'est pourquoi un Jedi utiliserait un grappin quand il... ouais, mais pourquoi pas, c'est rigolo. C'est vrai que là, le grappin, il a l'intérêt d'ajouter des mécaniques de Metroidvania avec des zones qui sont bloquées. Ouais. Et à deux niveaux, en plus. Parce que le grappin, on l'utilise à la fois pour atteindre des zones inaccessibles qu'on n'avait pas avant, mais plus tard dans le jeu, on l'utilise aussi pour accéder à des drones volants, là, qui permettent d'accéder encore à un autre niveau de zone. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Donc, ouais. Effectivement. C'est vraiment un... C'est drôle parce qu'on parle de Zelda depuis tout à l'heure. Mais c'est vraiment un très bon Zelda, quand même, Jedi Survivor, mine de rien. C'est un très bon classique. Ancien Zelda. Ouais, bien sûr. Ouais. Très, très Zelda classique. Ouais. Sans les donjons. Si, quand même. Ça dépend. T'as des donjons dissimulés, tu vois, par exemple, quand tu... Des sanctuaires, quand en fait, des nouveaux Zelda. Ouais, non, mais même pas, t'as vraiment, je pense... une dynamique de donjon, par exemple, je peux spoiler un truc ou pas? On peut y aller, on mais... On est en partie spoiler. Par exemple, au début, quand t'arrives sur... Merci de ta participation, Adrien. Comment elle s'appelle cette planète? Je me rappelle plus. Coruscant? Non, la planète centrale du jeu. Voilà, Kobo. Quand t'es sur Kobo, tu vois, t'as différents... donjons, entre guillemets, dans le sens où c'est pas les donjons dans lesquels tu vas récupérer la pierre du feu ou la pierre de l'eau, mais c'est les donjons dans lesquels faut que t'ailles pour, tu vois, en gros, c'est genre une grosse zone à part de la zone principale, à part de la map principale. Ah, mais c'est pas un donjon, c'est juste pareil. C'est un Metroidvania, donc c'est juste des extensions de zone. Le donjon, c'est vraiment un milieu entièrement fermé où t'as qu'une seule entrée, une seule sortie, en gros. Bah oui, avec un boss à la fin. Bah oui, mais il y en a plein des comme ça. Je suis d'accord avec Adrien. Je l'ai pas ressenti comme ça. Moi, j'ai ressenti ça plutôt comme tiens, je peux accéder. J'ai débloqué une compétence qui me permet d'accéder à une nouvelle grande zone. Et c'est souvent des nouvelles grandes zones ouvertes, d'ailleurs, qui agrandissent le monde de Kobo au fur et à mesure. Ouais, mais tu regardes par exemple la zone. À un moment donné, quand tu prends d'assaut un ancien vaisseau séparatiste, je crois, je sais plus, hop, un donjon, tu vois, t'as une entrée, une sortie. Non, moi j'ai vraiment pris ça comme une zone, c'est les marais avec le truc à côté, j'y suis retourné pour farmer, pour récupérer des coffres et tout après, j'ai vécu ça comme si on avait débloqué une nouvelle planète, en fait. D'accord, assez rigolo. C'est pas... Ouais, ok. Je l'ai vraiment vécu comme si c'était... ok, on est sur la même planète, mais c'est des environnements quand même très différents. C'est ça qui est c'est un des sujets qu'on peut aborder tout de suite. Mais il y a autant de planètes que dans Jedi Order, mais il y en a une principale sur laquelle on va passer plus de temps que les autres. Et ce qu'il y a là d'intéressant, c'est qu'elle est vraiment plus grande que ce qu'on a connu dans Jedi Order. Et on va débloquer des zones sur cette planète-là avec des environnements très différents. Donc, pas quelque chose auquel on est habitué avec Star Wars, où on a souvent des planètes qui sont monobiomes. Là, on a des biomes différents. Donc, sur cette planète, il y a des montagnes, il y a des marais, une partie plus forêt. C'est assez intéressant. Et du coup, moi, j'ai vu ça, comme si on accédait à une nouvelle planète dans Jedi Order, en fait. Bah, sauf que c'est une zone sur Kobo, quoi. Mais c'est des donjons. Pour moi, les donjons, c'est plutôt les salles de la Haute République qui sont des mini sanctuaires. Ouais, et bah pour moi, ça c'est beaucoup. Des sanctuaires, tu vois. Ça c'est shrines. Il y en a quoi, il y en a 6, 7, je sais plus. C'est pour ça que j'utilise le mot de sanctuaire. Hein. C'est vraiment l'idée, c'est l'idée du sanctuaire derrière. On sent hein, d'ailleurs. Ah oui, c'est complètement. Ah oui. Qu'ils ont voulu récupérer cette idée-là et comme ils ont toujours fait d'ailleurs, avec Jedi Order, on avait dit, ils avaient aggloméré un tas de trucs et ça marchait bien ensemble. Et là, ils ont continué de faire ça dans Survivor, ils ont aggloméré encore plus de choses et ça marche toujours très bien ensemble, et notamment cette idée de sanctuaire à la Zelda. Mm-hmm. Ouais, j'aurais même bien aimé qu'il y en ait d'autres, mais pareil, tous ceux-là sont tous sur Kobo. T'en as pas ailleurs. Oui, par exemple, les temples Zepho qui étaient dans le premier, ils étaient aux quatre coins de la galaxie, littéralement. Ah, oh, j'ai complètement oublié, je voulais en parler le jour où vous auriez commencé le jeu et ça m'est sorti de l'esprit. Mais sur Coruscant, au tout début, en parlant de Zepho, vous avez vu qu'il y avait dans le vaisseau du baron, là, enfin je sais plus, c'est un gouverneur. Ah oui, derrière lui, là. Et bah, non, alors derrière lui, il y a plein de refs, mais dans le couloir qui mène à son bureau, dans son vaisseau, il y a aussi des petites vitrines et si vous regardez, il y a tous les trucs Zepho. J'ai peut-être fait les statues Zepho pour le coup. Comment? J'ai pas fait gaffe à ceux qui étaient dans le couloir. Eh ouais, il y a les statues Zepho dans le couloir. C'est lui qui a récupéré tous les Zepho et du coup, c'est pour ça qu'ils sont arrivés dans le jeu, ils ont fait merde. On a oublié tout ça. Eh oui. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres trucs que vous voulez dire? Eh ben, tant que tu dis, on a oublié tout ça. Moi, j'ai trouvé, dans les petites critiques au jeu, j'ai trouvé qu'on oubliait trop vite. C'est plus les événements du premier jeu. Ok. Non, mais pour l'instant on est toujours dans la partie gameplay et tout. Ok. Oui, ok, très bien. Ok, donc tu t'aimes maintenant. Arrête. Arrête. J'essaye de trouver comment repartir. Je sais plus où on en était. On parle de monde ouvert, les différentes planètes. Donc on était oui, en plein du coup, bah, on peut continuer par contre par rapport au monde ouvert, parce que ça aussi, t'avais pas mal de trucs à dire, comme moi par exemple. Moi, un truc que j'aime beaucoup, et je me rends vraiment compte, même si, voilà, par exemple, Zelda, il a réussi à me faire aller un peu. Quand j'ai commencé le jeu, j'ai été très très vite. Comment on dit en français, overwhelmed, d'explorer le monde en fait, et j'ai de plus en plus ça. J'aurais bien aimé, par exemple, maintenant que j'ai la PS5, relancer Forbidden West, le deuxième Horizon. Sauf que j'ai de l'anxiété maintenant de plus en plus avec les mondes ouverts. Et ce qui fait très bien, comment ? T'as un effet de trop plein, quoi. Tu sais qu'il y a trop de choses. Ouais, c'est ça. Et c'est rigolo parce que c'était Marc Dara que j'avais entendu parler de ça par rapport à Dragon Age Inquisition et j'étais très d'accord avec lui. C'est que moi, ce que j'aime beaucoup, c'est avoir plusieurs zones ouvertes, pas complètement ouvertes, mais plusieurs zones qui me font plus voyager que un grand monde ouvert à la Skyrim ou un truc comme ça maintenant. De nos jours. Même si, évidemment, ça dépend. Hein, on verra bien ce que donne Starfield. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, voilà, dans Survivor, c'est que c'est vraiment toujours le même style de jeu, c'est juste les zones qui sont beaucoup plus grandes, en fait. Et l'exploration, elle se fait toujours de la même manière, c'est pas genre tu vas... Enfin, c'est pas un monde... C'est pas un open world, c'est vraiment des grandes zones ouvertes. Exactement comme dans le premier, sauf que c'est beaucoup plus ouvert, quoi. C'est un mix des deux, parce que tu parlais tout à l'heure de Dragon Age 2. Inquisition. Non, 3, pardon. Ouais. Inquisition. C'est exactement la même chose. Dragon Age 3, c'est pas un open world, c'est plein de zones. C'est ça. Très grande. Ce qui m'avait beaucoup plu, d'ailleurs, dans le jeu, parce que ça permettait aussi. Et pareil pour Mass Effect, Andromeda, d'ailleurs. Et je pense que c'est pour ça que j'ai bien aimé le jeu aussi, tu vois. Mais ouais, je comprends totalement ce que tu veux dire. Je vois tout à fait. Et pour autant, si on aime les mondes ouverts, chercher les coffres à droite à gauche, les petits collectibles et tout, ça permet aussi ça, parce que moi j'aime bien, j'aime beaucoup les mondes ouverts à la Ubisoft et tout, moi je suis assez friand de ça. Et en l'occurrence, j'ai eu ma dose avec Jedi Survivor. Tu décides de pas faire la quête et de partir chercher du collectif, te balader et tout. Ah bah, en parlant de ça, il y a un moment où on revient sur la planète, sur Kobo, et on doit aller sauver un personnage à un endroit, sauf qu'à un moment, j'ai tourné au mauvais endroit, et je me suis retrouvé dans une montagne. Alors, à ce moment-là, en plus, il y a un événement spécial qui fait que c'est la nuit, alors que d'habitude, c'est toujours le jour. Sur Kobo, et alors du coup j'étais dans la nuit dans les montagnes qui sont en plus complètement dans le fog, je sais plus comment dire, dans le brouillard, voilà, et j'étais là dedans dans la nuit et tout, c'était trop stylé. Et puis d'un seul coup je rentre dans une base impériale où il y a un million d'ennemis impériaux là dedans et tout. Et j'arrive tant bien que mal à passer au bout. Et à la fin, il y a le plus gros boss du jeu, Rick, le technicien de porte. Et je passe tout ça et j'arrive au bout. Et là, j'arrive et je prends une superbe photo d'ailleurs dans la nuit où, parce qu'à cet endroit-là, t'es en haut d'une montagne et du coup, t'as une grosse vue sur Kobo. Et là, j'étais de nuit, alors c'était encore plus beau parce que t'as l'abysse au fond et tout, hyper stylé. Et j'arrive au bout du chemin et il y a un de ces petits trucs, ces petits drones flottants, et sauf que je pouvais pas encore les prendre, et du coup je suis arrivé là, mais merde, je suis pas allé au bon endroit. j'ai joué littéralement une heure et demie dans le mauvais côté, quoi. J'ai fait exactement comme toi. J'ai T'as visité toute la montagne et je suis monté en haut de la montagne qui mène à la station là. De nuit, je l'ai fait. Alors, je me souviens plus si c'était quand fallait sauver l'autre, mais en tout cas, c'était de nuit, m'en souviens. Et je me souviens après, aussi de... En fait, tu vois, t'étais en train de parler de ça et j'étais en train de me dire, bah, moi aussi, je crois que j'ai fait ça de nuit, ça doit être normal. Mais non, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Mais je crois pas que je m'étais perdu, moi, pour le coup. J'étais en exploration, quoi, complètement. Entre deux quêtes. Et le boss dont tu parles, petite anecdote, moi, je pensais pas que c'était un boss, en fait. Oui, mais. Mais en fait, c'est une blague. C'est un ennemi légendaire, en fait. Parce que moi, j'ai rien compris à ce qui s'est passé, en fait. J'ai voulu l'attirer avec la force, et il est mort quand je l'ai attiré avec la force. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Mais c'est ça qui est merveilleux. Mais ouais, voilà. Il est incroyable. J'ai vraiment explosé de rire en faisant le boss. C'est vraiment. Ah ouais, moi, j'étais dans la compréhension totale. J'ai cru que j'avais eu un bug, en fait, dans le jeu. Non, c'était fait exprès. Surtout que quand je l'ai attiré avec la force, il bougeait, tu sais, son animation était bloquée, donc il glissait sur le sol jusqu'à moi. Oh merde! Et juste, il est mort comme ça, quoi. J'ai même pas attaqué, rien. Il est juste mort parce que je l'ai attiré avec la force. Et du coup, j'ai cru que j'avais eu un bug et que j'avais sauté un des boss du jeu, voilà. J'ai bien vu la barre de vie apparaître en haut et tout, mais bon, ouais. Moi, je lui ai mis un coup de sabre et il est mort. Moi, je lui ai tiré dessus, il est jamais arrivé jusqu'à moi. Alors en fait, il est mort. Il meurt quelle que soit l'action qu'on fait, quoi. incroyable. Non, parce que j'ai vu des gens le choper et le mettre en sûreté et continuer le niveau sans le tuer. Il y a des gens qui l'ont sauvé. Ah ouais. Ouais. Tu peux l'attraper, le jeter de l'autre côté en fait. Et du coup, comme il peut pas t'atteindre, toi tu peux continuer sans souci en fait. Et ça va désactiver le combat au bout d'un moment. Trop bizarre parce que moi je l'ai attrapé aussi. Mais toi tu l'as attrapé avec la force, c'est ça. Mais ouais, je comprends pas. Ouais, j'ai vu des vidéos. Hein. Bref. Ah putain, incroyable. Ok, génial. C'est génial. Mais ouais, il y avait tout ce truc là où j'étais complètement paumé. Et c'était un des meilleurs moments. Hein. Ils ont pas été avares en petits détails, encore une fois, sympas dans le jeu, dans ce type de ce boss, quoi. Il y a plein de choses à faire, on peut passer à côté ou non. Voilà, typiquement, on n'a pas du tout vécu la même chose avec ce boss. Moi, je pensais que c'était un bug, que c'était un vrai boss que j'avais sapé. Mais il y a plein de trucs comme ça, c'est trop bien. Bon, après, donc, on a ces grandes zones ouvertes qui sont sympas et qui sont sur différentes planètes. Mais du coup, faut savoir aussi qu'on a autant de planètes disponibles que dans Jedi Order. En plus de cette planète principale qui est immense, on a d'autres planètes à visiter qui sont assez grandes aussi. Hein. À part la dernière. En vrai, je les trouve assez petites toutes. Ah ouais? Bah, t'as ouais. vite fait le tour. Enfin, surtout, j'ai trouvé que Jedha, ça allait quand même. C'est ouais, la taille d'une planète de Jedi Order. C'était la taille parfaite, mais c'était quand même rapide. Et Coruscant, c'est pareil. Hein. On est sur la taille d'une planète de Jedi Order. Hein. Sur non, genre, Ilum, ouais. Ilum est pas beaucoup plus grande que Coruscant. Long, hein. Mais Ilum, c'était une mini-planète. Qu'est-ce qui est un peu long? Le tuto. Il fait bien 2 heures, un truc comme ça. 1h30, le tuto dans celui-là. Toujours plus court que le tuto de Zelda. Hein. Braca, c'est ouais. Vrai. Mais Braca, par exemple, c'était l'affaire d'une demi-heure, un truc comme ça. Là, c'est le double, voire le triple. Mais c'est normal, parce que on en a reparlé tout à l'heure, mais comme le jeu reprend avec toutes tes compétences du premier... Oui. C'est normal que le tuto soit vachement long, parce que j'avais évoqué ça dans la dernière émission en disant ça va être pour les nouveaux joueurs et les nouvelles joueuses qui n'ont pas fait Jedi Order, qui vont arriver directement sur Survivor, ça va peut-être être un peu chaud de garder toutes les compétences. Et du coup, ça amène à un gros tuto. Quoi. Ouais. Effectivement. Il est bien gros, mon tuto, là. Mmh. Après, oui, voilà, moi, j'avais vu la planète... dans les trailers et tout, et je priais pour que ce soit Jedha. Pourtant, je suis non-croyant, donc vous imaginez. Et donc, c'était bien Jedha, donc j'étais très content. Mais c'est vrai que... Ouais, c'est bizarre, parce que t'as autant de planètes et astéroïdes, machin, lune et tout, que dans le premier. Bizarrement, t'as... quand même cette impression que le scope est plus petit. C'est vrai, j'avais parlé de ça sur le Discord entre nous, ouais. Surtout, c'est à ce ressenti de moins de choses, alors qu'en fait, il y en a autant, voire il y en a plus, en fait, même. En fait, je pense que le souci, c'est que l'histoire, c'est une histoire de chasse au trésor, de chasse à la planète au trésor, techniquement. Et du coup, c'est le genre de concept où tu... Dans ta tête, ça te dit que ça va beaucoup voyager, et au final, t'es tout le temps entre les trois mêmes planètes. Et je pense que ça fait... Et t'as pas de sensation de progression tant que ça, en fait. Le concept de gameplay et le concept de l'histoire clashent un petit peu à ce niveau-là, je pense. Parce que ce serait plus c'est un vrai. Truc où tirer dans 5-6 planètes qui seraient peut-être plus courtes, mais qui te ferait beaucoup plus en fait. Voyager. Pas forcément, parce qu'en fait, je dirais que le défaut du jeu, là, c'est qu'on reste énormément sur une planète, surtout, et les autres, on y va toujours que peu de temps. Là où, par exemple, dans Jedi Order, par exemple, si on prend Kashyyyk, t'y retournes, t'y allais une première fois, t'y restais un temps quand même assez long, hein, tu faisais une planète. 1h30, 2 heures à chaque fois. Et à chaque fois, et quand t'y revenais plus tard parce que t'avais débloqué une nouvelle zone, en fait, la nouvelle zone que tu débloquais était aussi grande que la première, donc t'y restais à nouveau aussi longtemps, et comme t'y revenais bien plus tard, bah, t'avais cette impression quand même d'avoir revoyagé entre temps. Là où, en fait, dans Jedi Survivor, on va énormément rester sur Kobo. Et on va aller sur les autres planètes que ponctuellement et pour des périodes très très courtes à chaque fois. Et du coup, quasiment tout le jeu se fait que sur Kobo, en fait. Hein. Faut dire ce qu'il y a. Hein, bah, Kobo et la lune de Kobo, d'ailleurs. Hein. Bah, non. Bah, des fois, c'est Kobo, difficile de se dire que c'est deux trucs différents aussi, par exemple, tu vois, par exemple. Parce que c'est toujours c'est tellement proche. Ouais, que, oui, c'est vrai. Même des fois, ça peut donner l'impression que c'est la même chose, c'est la continuité. Oui, oui, d'autant que en fait, même si c'est la lune de Kobo est dans un environnement très fermé, c'est un centre, comment on appelle ça. Une space station. On est dans un bâtiment, mais le fait est que le design du bâtiment répond exactement au même. Même design que les bâtiments qu'on va beaucoup explorer sur Kobo, étant donné que c'est la même période. Voilà, c'est la même période, les mêmes trucs, les mêmes personnes qui sont derrière. Ouais, c'est ça. Ouais. Et je... c'est con, mais... alors déjà, moi, j'adore les environnements désertiques. Donc, bon, Jedha, j'étais servi. Mais c'est vrai, hein, dans les jeux, dans la vraie vie, je déteste ça, mais dans les jeux, j'adore les déserts, je sais pas pourquoi. Ouais, mais pareil. Je ne sais pas pourquoi. Mais ce qui a beaucoup manqué, je trouve, c'était un environnement où il y avait beaucoup de pluie ou du mauvais temps. Ah oui. Il y en a quelques zones. Désertique, tu veux dire dans le sens aride, en fait, pas vide. Ah oui, non, je parle de ouais, okay. Aride, du sable et tout, genre. Oui, ok. Exactement, pardon. Jedha, par exemple. Tu connais Dune? Ouais, mais il n'y a pas de jeux vidéo bien dedans, c'est ça le problème. Ah, il y en a des très très bien. Non, pas des comme moi, j'aime bien. Non, mais oui, je vois ce que tu veux dire, ok. Et oui, ça, en fait, je pense que ça manquait peut-être d'un biome vraiment différent, en fait. Parce que pareil, Nova-Garonne, c'est toute une planète. Enfin, c'est pas une planète, c'est un astéroïde. Mais c'est encore une fois tout en intérieur dans une base impériale. Alors, bon, ça, c'est pas exactement pareil que le reste. Mais voilà, c'est comme la. Quelle est la différence, techniquement, avec la lune de Kobo? Parce ouais, que, bah, ouais. c'est pareil, ouais. c'est dans l'espace, c'est en intérieur. Et même si au niveau de l'histoire, au niveau du layout, au niveau de comment c'est foutu, c'est extrêmement différent, ça reste des stations spatiales. Voilà. Non, mais je vois tout à fait ce que tu veux dire. Ouais, ouais. Et Nova-Garonne, du coup, je sais pas si tout le monde se souvient, donc je dis, mais c'est la station où il y a Kata et. C'est la station. C'est la station des impériaux, là, là où tu tues tout le monde. c'est là où... Ouais, du BSI, enfin du ASB. Ouais. Exactement. Du coup, je voulais dire un truc, mais ça m'a perdu. Mais oui. Non, mais globalement, je suis d'accord, effectivement, les environnements fermés se ressemblent forcément parce que c'est fermé. Et ça manque un petit peu d'un biome un peu presque jungle ou pluie ou quelque chose avec un plus mauvais temps, ouais, c'est vrai. Moi, j'aurais aimé avoir plus d'environnement aquatique. J'aime bien l'environnement aquatique, généralement dans les jeux vidéo. Et, ah, et, alors tiens, ouais. Ça, c'est, on n'a pas eu assez, je trouvais. C'est con parce que ouais. Les déplacements sont vraiment très bien dans le jeu, je trouve. Et ça, c'est un truc que j'aime bien aimer dans le jeu. J'ai parfois l'impression d'être face à un jeu de plateforme, et c'est cool parce que j'imagine un jeu de plateforme en 3D et avec un peu d'eau, ça aurait été cool. Oui, c'est vrai que on en avait beaucoup plus dans Jedi Order. D'ailleurs, c'était une des mécaniques qui permettait d'accéder à des nouvelles zones, c'était d'avoir le respirateur. Ouais. Et bah voilà, on disait tout à l'heure, il y a des trucs qui ont été oubliés entre Jedi. Enfin, j'ai commencé à évoquer un truc qui a été oublié entre Jedi Order et Jedi Survivor. C'est pas complètement oublié parce qu'on a toujours le respirateur, on peut toujours aller sous l'eau. Mais ça n'a pas été exploité du tout dans le jeu. Très très peu. Pour un coffre ou deux cachés ici et là, et c'est tout, quoi. S'il y a une grotte, à un moment donné, j'étais très surprise. J'ai fait tout un truc sur Kobo. À la fin, je me mets dans l'eau. Funky caverne. Et je suis sorti de l'autre côté. Il y avait tout un passage dans l'eau. Ah, et je ressors de l'autre côté. Et tu reviens dans les sous-sols en dessous de la cantina. Mm-hmm. Et là, à ce moment-là, j'ai eu un effet waouh en mode, ah, mais en fait, c'est là. Et voilà. Mais c'est le seul moment où vraiment l'eau a été exploitée. Sinon, tout le reste du temps, ah non, ça a été un peu oublié, alors que la compétence existe, ils l'ont gardée. Elle est toujours là. Elle est toujours là, et les déplacements sont toujours aussi agréables, comme disait Adrien, effectivement, dans l'eau. Mais au final, on n'a pas tout. C'est dommage, il aurait fallu ne serait-ce qu'une zone de lac sur Kobo, par exemple. Pourquoi pas? Ouais, c'est vrai, ouais. Ouais, un truc comme ça. Ouais, non. Ouais. Ça fait partie des petits trucs un peu oubliés. Sacrifier, je sais pas trop. Après, le jeu est tellement complet, il est quand même assez dense, hein, faut dire ce qu'il y a. Il y a quand même beaucoup de choses, on n'a pas le temps de s'emmerder. Il y a beaucoup de choses à explorer, beaucoup de choses à débloquer. Donc peut-être que ça a été mis un peu de côté parce qu'il n'y avait pas le temps. Il y avait juste pas le temps pour faire rentrer ça dans le scope, quoi. Pour vous donner une idée, j'ai 51 heures de jeu et j'ai fait l'histoire principale et la plupart des quêtes annexes. Si c'était toutes les quêtes annexes, j'ai juste pas fait tous les collectibles, mais j'en ai quand même pas mal. Mais 51 heures, c'est quand même pas évident. Ah non, ouais, c'est ça, très bien. C'est très bien. Moi, très c'est, bien. C'est ouais. mon truc que j'aime bien. Je pense que c'était parfait pour moi. Je peux pas voir sur PS5 combien j'ai... Ah ouais, moi c'est écrit combien de temps t'as joué sur le jeu. Ah ouais? Sur PS5, ouais, à côté de tous les jeux d'ailleurs. C'est comme ça que j'ai appris, j'avais joué 300 heures à FIFA, j'étais genre, oh shit. Je le vois pas. T'as combien du coup, Grushkov? Survivor, bah je l'ai pas là, je vais pas aller allumer maintenant. Ah oui, je regardais, sur l'application PlayStation, voir s'il y avait, mais il n'y a pas. Non, c'est pas. Bon, tant pis. Pas grave. Non, je le trouve pas. Je sais que ma première run, ouais, j'ai passé pour aller jusqu'au bout et commencer le... comment ça s'appelle ? Le New Game Plus, j'ai fait une cinquantaine, soixantaine d'heures. Côté gameplay, j'aimerais aussi dire que il y a une phase du jeu qui ressemble pas aux autres, qui est pas super bien faite, mais qui marche, je trouve. C'est la partie en speeder. Bah moi, j'ai trouvé ça dommage que ce soit juste ça. Eh ben oui, voilà. Non, pareil, c'est pour ça que je vais en parler. En termes de gameplay, c'est quand même dommage d'avoir pas pu mettre l'accent sur l'eau, par exemple, effectivement, alors que la compétence existe. Et prendre le temps de développer une phase... donc c'est un runner, hein, c'est une partie du jeu qui est en runner, on dirige pas vraiment où on va, c'est une course-poursuite, et c'est en speeder. Et d'avoir passé du temps à faire cette phase-là, qui aurait pu être une cinématique, même si elle est très stylée, hein, la phase, elle rend très très bien. Mais, c'est important mais... qu'on le vive, mais bon, c'est juste ça. Ouais, mais c'est avoir développé des mécaniques de gameplay, je trouve, pas essentielles, à défaut d'autre chose, quoi. C'est pas... Il y a cette phase-là, ou alors il aurait fallu effectivement qu'on ait des phases en speeder possibles, mais il aurait fallu en mettre plusieurs fois dans le jeu. Ouais, c'est ça. Sous différentes formes, par exemple, pas forcément speeder, hein, tu transformes ça comme tu veux, mais même une course-poursuite à pied, pourquoi pas, avec les mécaniques similaires, mais garder le système fait pour une seule scène, c'est dommage, quoi. Le pire, c'est que quand j'avais vu ce truc-là dans le trailer, j'étais genre, ah, on va voir une séquence à la Uncharted, là, où on passe de vaisseau en vaisseau et tout, de speeder en speeder, le long d'un convoi de l'Empire et tout, pas du tout. Pas du tout, t'es sur un speeder du début à la fin, ça dure 2 minutes. T'as juste à appuyer sur avancer, quoi, c'est tout. Et encore, ça avance tout seul. Éviter les obstacles. Ouais, et encore, la première fois, je me suis pris tous les obstacles et ça n'a rien fait. Hein. J'ai quand même plus. Non, parce que il ralentit quand tu. Ouais, la personne ça. Que tu poursuis du ralentit coup, quand tu prends des coups. Et c'est marrant changé. Parce qu'à un moment donné, j'ai trop bien piloté et j'ai pris un virage beaucoup plus serré que lui. Du coup, j'aurais dû lui passer devant. Et en fait, il a accéléré d'un coup, mais ça faisait pas naturel, tu vois. Oui. Ça faisait comme si on avait passé une vidéo en accéléré. C'était trop bizarre. Non, les gens qui écoutent le podcast, ils vont croire que le jeu est nul à chier. Non, il est incroyable. C'est vrai qu'on a tendance à parler surtout des choses qui nous ont marqué en dans le genre, mais c'est une scène de 2 minutes, les gens, vous inquiétez pas. Ouais, mais je comprends ce que tu dis. Ouais, moi, je pensais que ce serait quelque chose de beaucoup plus important que ce que c'est devenu au final. Même le combat de boss qui est juste après, ça arrive, ça repart très très vite. Ouais. En fait, au niveau des mécaniques de gameplay, c'est ça. Il y a tout marche bien. Il y a pas de souci, ça marche bien. Même cette séquence de 2 minutes, au final, elle marche bien. Quand oui, il y a plein d'effets bon. Waouh. Le feeling est bon. Faut pas, voilà. Faut pas s'arrêter à, il y a une vidéo en accéléré à un moment donné, tu vois. Mais c'est un peu le problème, je trouve qui va être en dehors des bugs et tout ça, en retirant aussi, même si le jeu, il avait été, complètement débugué à sa sortie. Mm-hmm. Si j'avais ressorti un défaut du jeu, c'est que, il y a plein de trucs que je trouve un peu sous-exploités. Tout à l'heure, tu parlais des stances et tu disais les stances. Ouais, c'est les ça, postures. Les différentes postures. Voilà, les postures. On en débloque plein. Il y en a bien plus. Il y en a bien plus que dans Jedi Order. Il y en a 5. T'en avais 2 dans le premier. Là, t'en as 5. 3. Il y en a 3 dans le premier. Ah non, parce que le double sabre. Bah non, le double sabre, c'en est pas une. Les deux sabres, c'en est pas une, oui, c'était un coup spécial. Et là, il y en a 5, donc c'est super. Sur le coup, à chaque fois que j'en débloquais, j'étais trop contente. Je me disais, ah, oh, encore une nouvelle posture et tout. Mais c'est vrai qu'on reste bloqué à 2. Ouais, t'as le droit d'en avoir 2 cas en même temps. Voilà, c'est ça, parce qu'on peut pas en équiper plus. On est obligé d'en choisir 2. Et c'est dommage qu'ils aient pas mis une roue de sélection qui nous permette de passer d'une stance à l'autre sur les 5 en plein combat, ça aurait été incroyable. Voilà, là, je trouve que, c'est par clair. Exemple, il y a du potentiel, mais on peut vachement mieux exploiter ça. C'est dommage de mettre 5 postures c'est très étrange pour pouvoir en choix. Équiper que 2. Surtout, ouais, ouais, ouais. Surtout par exemple, quand tu viens... Il est sorti assez longtemps, Ghost of Tsushima, où t'as 4 postures différentes et tu passes de l'une à l'autre comme ça, en un clic, et c'est le feeling est très rapide, très simple. La prise en main est facile, donc je sais pas trop pourquoi c'était si compliqué. D'autant qu'on a tout envie de les jouer, parce que les 5 postures sont toutes différentes. Elles sont très très différentes, ouais. Elles sont très très différentes, les 5. Les 5 ont une totale légitimité en termes de gameplay. Il y a vraiment des gens qui vont préférer jouer une des 5 et avoir une deuxième en option ou deux. Et elles sont toutes intéressantes, utiles, bien faites. Et c'est presque frustrant de pas en jouer d'autres. Et en plus, bon, il y a aussi le problème que chaque posture a son arbre de compétences, bien entendu, et forcément on va se focaliser dans les montées de compétences sur les postures qu'on utilise. Bah ouais, c'est ça. Ça comme dans tous les jeux, hein, j'ai envie de dire. Mais ne même pas pouvoir passer à une posture. En fait, le problème c'est que les postures, elles ont été pensées avec elles sont très différentes, mais elles ont été pensées avec des possibilités d'action différentes face à des situations différentes. Exactement. Par exemple, le double sabre, enfin le sabre. À deux lames, c'est très rapide et en combat un contre un contre un ennemi au corps à corps va vraiment être une posture qui est supérieure, on va dire, même si elles sont toutes. Attends, tu veux dire celui à la maul ou celui à... Non, celui avec un sabre dans chaque main. Et du coup, pour les combats de boss qui sont au corps à corps, par exemple, c'est vraiment une posture qui va se montrer naturellement avantagée. Sauf que moi, c'est une posture que j'utilisais jamais, parce que elle était jamais dans les deux compétences que j'avais prises. Mmh. Et il y a une posture qui va être beaucoup plus lourde et qui va permettre de beaucoup plus lente et beaucoup plus lourde, qui va être aussi bien contre le 1 contre 1, mais d'une autre manière, celle avec à la maule, donc le double sabre à la maule. Ça, c'est, c'est bien quand il y a plein d'ennemis. Donc en fait, elles ont toutes des situations contextuelles, elles sont plus efficaces que d'autres postures, et donc c'est d'autant plus frustrant de pas pouvoir les sortir quand on veut, quoi. Et toi, en plus, Adrien, du coup, tu pouvais pas faire la blaster. C'est ça, j'en avais que 4. Mais je jouais principalement le double sabre à la maule et puis le sabre lourd avec la crossguard. Ouais, c'est ça. C'est vraiment les deux que j'utilisais tout le temps. Je trouve sincèrement que le double sabre, alors après c'est mon type de sabre préféré depuis que je suis tout gosse, mais est trop fort dans ce jeu, il est vraiment trop fort, et quand t'as des groupes d'ennemis, il est encore plus fort que dans le premier jeu. Non, c'est rigolo parce que la sabre à double lame comme ça, quand je suis arrivé au bout de ma run là, au bout de l'histoire, c'était la seule stance où j'avais mis 0 points de compétence dedans. personne ne joue. Hein. Je parle de celle d'Adrien, la version Maul. Ah oui. Ah si, moi j'ai mis dedans, j'aime bien, mais c'est pas la stance que j'utilisais tout le temps. Et frustration, mais je la trouvais efficace quand il y avait plein d'ennemis en fait. Ouais, en New Game Plus, c'était celle que j'utilisais le plus avec la blaster encore. Et c'est marrant d'ailleurs... parce que donc. Ouais, non. vas-y. Non, je t'en prie. C'est marrant parce que tu, tout comme moi, Gruche, t'as utilisé la blaster comme l'une de tes postures principales. Parce qu'elle est super stylée, mais en l'occurrence, je lui trouve pas d'utilité contextuelle par rapport aux autres, justement. Elle ouais, est pas mieux contre un type d'ennemi, elle est pas mieux contre une situation particulière. Elle est juste stylée et agréable à jouer. En fait, pour moi, c'est devenu la. Si elle y était pas, tu vois, par exemple, je pense que j'aurais eu. Le sabre simple en fait, mais le sabre simple, à quoi bon le prendre, parce que j'ai celle-là à côté, tu vois, et c'est vraiment le truc basique et il m'allait parfaitement. Ouais, alors moi pour le coup le sabre simple, je crois que j'ai fini le jeu avec, je l'ai repris pour la toute fin, et je trouve ça vraiment dommage qu'ils aient repris exactement les mêmes animations. Et que on puisse pas faire un coup en plus dans le combo, parce que c'est un combo de 3 coups seulement, Et je pense que 4, ça aurait pu éventuellement permettre de le rendre plus intéressant. Là où, par exemple, il fait le même nombre de coups que, je crois, vous allez me corriger si je me trompe, que la Stance avec le pistolet. Ouais, mais ils sont très différents. La Stance avec le pistolet, tu vas avoir une certaine allonge que t'as pas. Ouais. Les deux postures, quand même, sont très différentes dans les coups de sabre qu'il donne. Tu te bats comme un escrime. Ouais, tu sais, plus un escrimeur dans la Stance au blaster. Et escrime pirate, quoi. Bah, escrime, quoi. Enfin, escrime, je touche beaucoup avec la pointe de mon sabre. Ouais, c'est ça. Mais parce que la posture blaster, elle est vraiment pensée pour que tu restes à distance de ton adversaire, en fait. They don't know about me. Après, c'est pas totalement vrai, parce que, par exemple, t'as des fois, à la place de parer, quand tu débloques tout, à la place de parer, tu peux tirer au blaster et finish ton ennemi comme ça. Ouais, comme dans Bloodborne. Putain, mais c'est trop cool qu'on puisse faire ça. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, c'était rigolo parce qu'il y avait Zek qui disait « Oh, ils sont bêtes, ils ont pas fait ça. » Alors, si, en fait, ils l'ont fait. Faut juste débloquer la compétence. Mais c'est dedans. Tu peux le faire avec la force aussi. Oui, tu peux le faire avec la force aussi, d'ailleurs. Ça, je l'ai jamais fait, par contre. Mais parce que moi, je tire dessus. Ah ouais. Tout simplement. Mais oui, non, mais Adrien, je vois ce que tu veux dire. Ça aurait été pas mal, peut-être un quatrième coup dans le combo du sabre simple. Par contre, j'ai aimé qu'il garde les mêmes animations. Parce que c'est du calcestis, c'est pas comme ça, tu vois. Et, Oui, c'est vrai. Dans Star Wars, on reconnaît les styles de combat de chaque Jedi. Il y a plein de Jedi, tu leur mets pas, tu mets pas la texture, tu mets que le modèle 3D sans texture, sans rien. Tu mets ces animations de combat, on pourrait peut-être reconnaître le Jedi. Ah bah, tu fais l'hélico vite avec son sabre laser, c'est Anakin. Voilà, c'est exactement. ou les Inquisitoris. Exactement. Oui. Et du coup, je trouve ça important pour Cal aussi, quoi. Ouais, mais c'est vrai qu'ils auraient pu lui donner encore plus, parce que moi, j'aime beaucoup le sabre laser simple, en général. Et je pense que, tu vois, le fait que je ne l'ai pas utilisé, et que je suis allé directement sur le blaster, c'est bien. Ça manquait d'un petit truc. Alors que. Voilà, la crossguard, c'était tellement différent et ça, que bah voilà, je l'avais à chaque fois. Du tout le style de jeu que j'aurais d'habitude. Moi, je suis en général, j'adore les taper très très vite, faire beaucoup de dégâts et finir vite. Et du coup, c'est pas du tout ça, mais j'ai adoré jouer comme ça. Surtout, j'étais avec. C'est ce que nous dit Tuki des fois aussi. Ouais, c'est ça. Et j'avais cette stance-là contre Ravis. Et c'était vraiment le super, super combat de boss. Entre lui qui t'envoie, qui est une armée à lui tout seul, et puis moi avec mon gros truc. Très rigolo. Mais les animations, elles sont trop belles. Hein. De combat, elles sont vraiment magnifiques. Et ils ont fait beaucoup de progrès là-dessus. Surtout quand tu. Pour les blocs, les trucs comme ça, je trouve. Ah bah, je trouvais déjà que dans Fallen Order, les combats au sabre, sabre contre sabre, les animations, quand tu sais, ça tapait sabre contre sabre, ça marchait trop bien. Mais alors là, ça marche encore mieux, vraiment. Ouais, c'est super joli. C'est vrai. C'est vraiment... Du coup, je regardais le conducteur et je me disais que... En voyant le point d'après, le point D, je disais juste que le fait qu'on doive choisir deux postures, c'est forcément un choix de personnalisation. Non, mais c'est ça. C'est l'idée, c'est qu'on n'est pas le même Cal Kestis que son voisin et que quand on en parle avec quelqu'un d'autre, il n'est pas vécu la même expérience. Je pense que c'est dans l'idée aussi de la personnalisation de l'aventure. Ouais. Même si c'est très frustrant au final, c'est probablement la raison de ce choix, tout simplement. Ouais. Et tu as raison. On va peut-être passer à ça maintenant. La personnalisation ils en ont beaucoup parlé avant que le jeu sorte, mais ouais, j'avais aucune idée à quel point ils allaient faire ça, surtout au niveau de BD et le sabre laser, évidemment, surtout le sabre laser. Qu'est-ce que vous en avez pensé de tout cet aspect là déjà, l'inclusion, tout ça, surtout donc quand il y a clairement un Cal défini et canon, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que ça vous gêne ou est-ce que vous vous en fichez, vous faites ce que vous voulez avec Bah, est-ce qu'il y a vraiment un Cal défini et canon, tu vois? Bah, il existe, pour moi, par exemple, dans les dans les cutscenes, par exemple, il est pratiquement toujours avec le sabre simple. Parce que c'est le truc de par défaut. Mais du coup, ça en fait une espèce de canon où c'est. Par exemple, pour moi, c'était difficile d'utiliser trop, par exemple, le double sabre, parce que je savais que dans les cutscenes, il allait jamais les utiliser, ou pour les finishes. Les finishes sont pas toujours adaptés à la posture que t'as, au type de sabre que tu utilises. En gros, l'idée, c'est si demain il apparaît dans une série ou un film Star Wars Cal Kestis avec le vrai acteur, à quoi il ressemblerait et quel serait. Et ça serait forcément celui de la jaquette, en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça, le calcanon. Mais voilà, ouais. À quel point vous en fichez ou pas ? Parce que moi, j'aime bien avoir un truc qui est quand même un peu terre à terre. Ouais, pareil, un peu. Moi, non, moi, j'adore personnaliser. D'ailleurs, je passais mon temps à le personnaliser. J'étais à fond en RP, moi. Genre, il va pour se battre contre un boss. Je savais que j'allais taper un gros boss et que j'allais chercher le personnage qu'il faut sauver, justement. Je lui ai mis l'armure, tu vois. Ouais, mais pareil. Alors que ça change rien, voilà, ça change rien au gameplay, mais, ouais. Mais j'ai beaucoup, beaucoup passé de temps dans le menu à le personnaliser. Hein. Je te jure que toutes les demi-heures, je rentrais dans le menu pour changer, quoi. Pareil, ouais, pareil. Mais genre, minutes, par exemple, lui, quand je revenais au Pylon Saloon, genre, je mettais ma tenue un peu décontracte, tu vois. En débardeur et tout, ouais, mais pareil. Quand je retournais à la guerre, je remettais mon armure à la Clone Wars et tout. Enfin, c'était vraiment... Non, voilà, mais vous êtes plus comme moi, du coup. Vous essayez d'avoir un truc où t'as quand même un personnage défini. Oui, mais par contre, mais tu vois... Je suis défini dans la tête, donc ouais, je veux avoir le choix. Je pense que ce qui est important là, c'est... déjà, c'est comment chacun veut faire, mais aussi et surtout, genre... c'est quand même cool qu'ils aient donné la possibilité de le faire parce que je sais que et ça c'est une réflexion que je me suis fait en jouant, c'était très bizarre, je jouais et en fait je trouve vraiment Cal avec les cheveux longs comme je lui avais mis, c'était vraiment genre mon aussi que je à qui je pense depuis tout gosse quand je pense à Star Wars, quoi. Ouais, c'est vraiment caractère, ça veut dire. Ouais, c'est ça mon Jedi rêvé, tu vois, il était comme Cal, vraiment. Et en fait, tu vois, je me dis, waouh, c'est trop bien que je puisse avoir cette opportunité de lui mettre la coiffure que je veux, l'armure que je veux, le sabre que je veux, tu vois. C'est vraiment bien. Et si demain il apparaît dans une série et qu'il a les cheveux courts, franchement, je m'en fous, ce sera trop bien quand même, quoi. Bah oui, c'est pas grave, en fait. Mais en fait, ouais. Ce qui est important, c'est qu'on ait le choix. Et d'ailleurs, c'est très terre à terre nos choix parce qu'on va l'habiller en fonction de la situation, par exemple. Ouais, c'est ça. On joue au Barbie avec notre Cal Kestis. Mais c'est vrai, hein. Ouais, c'est vrai. Mais oui, il n'y a aucun souci à ça. Hein. Ouais. Perso, moi, je le fais dans tous les jeux. Et dès que je peux le faire, je le fais. Le fait de pouvoir le faire tout le temps, c'était vraiment. Ça, c'est une super idée. C'est une super idée, chouette. Et le fait est que mon Cal Kestis en tenue décontractée va peut-être pas ressembler au Cal Kestis d'Adrien en tenue décontractée. Donc, c'est bien quand même d'avoir beaucoup de choix. Et voilà, ça permet de faire, dans le cas d'Adrien, ça permet de faire le Cal Kestis de son original caractère rêvé, quoi. Alors que le mien ressemblait probablement pas du tout à ça. C'est ça qui est agréable dans le fait d'avoir autant de personnalisation. Le mien, il a pas mis un seul poncho, par exemple. Moi non plus. Ouais, alors... Il y avait pas de planète propice au poncho. Ouais, non, c'est vrai ce que tu dis. Et en plus, je sais pas si vous l'avez essayé. Le poncho qu'il y a dans le premier jeu, mais en fait il est crade de ouf, il est plein de boue en fait, et je sais pas, mon Cal Kestis, si le tien est propre. Non, mais je crois que peu importe comment tu le dans la couleur que tu le prends, il est sale sur le bout du poncho. Ah, peut-être parce que t'as un PC trop puissant et des trop beaux graphismes, mais nous, on avait pas de salissure dessus. C'est vrai, moi, j'avais j'avais l'impression qu'il était crade comme pas possible. Non, pas du tout. Par contre, ce que j'ai... Ah ouais? Là où j'ai tiqué, c'est qu'il y a certaines tenues, j'ai trouvé que elles étaient mal mises sur le personnage. Enfin, je sais pas comment dire ça. Ouais, maintenant, je comprends. J'ai du mal à définir ce ressenti, mais il y a certaines tenues, c'est pas que ça lui allait pas. Genre, il y a la tenue du 1, ça lui allait pas dans le 2, mais parce que je trouvais qu'elle était pas bien coupée sur le modèle 3D, quoi. C'était très bizarre. Mais alors, peut-être qu'elle lui allait pas non plus dans le premier jeu, mais comme on n'avait pas le choix, ça allait, hein. Non, je trouve que la coupe était chelou. Ouais, la coupe, je sais pas expliquer. Et il y a plusieurs tenues comme ça où t'as l'impression que ils ont pas bien, bah, encore un problème de finition peut-être, mais ils ont pas bien fini la tenue et ça colle pas tout à fait. On dirait qu'elle est presque un peu flottante, presque. Je sais pas, il y a une ressentie qui est un peu bizarre, comme si j'avais téléchargé un mode avec un truc fait amateur d'une tenue et que je l'avais rajouté sur le personnage. Ouais, quand tu lui mets la tenue du premier jeu, ça me faisait vraiment ça. Alors que je voulais l'utiliser à un moment. Genre, je cours une minute et puis non, faut que je lui remette autre chose parce que ça marche plus. Mais ouais, totalement. Je sais pas pourquoi j'ai eu cette sensation. Et s'il y a quelques tenues comme ça où ça allait pas trop, je trouve. Il y a d'ailleurs, beaucoup c'est de. En jouant au Barbie dans ce jeu que je me suis rendu compte que le jaune, ça allait vachement bien en Jedi quand même. N'est-ce pas? Je trouve aussi. Ouais, d'ailleurs, moi, vous aviez quelle couleur de sabre principal? Le vert, moi. Ah bah bleu, toujours. et moi, j'ai pris le jaune, alors que enfin, je sais pas, je trouve que c'est une couleur de sabre qui est trop jolie. Bah moi, d'ailleurs, c'est ce que je pensais avant, mais là, le vert là de celui-là, il marchait vachement mieux. Mais on en a parlé d'ailleurs pendant mon stream le jour de la sortie avec Ika. Ouais, je m'en souviens. Ouais. Ça fait un vert très Retour du Jedi. Ouais, exactement. Et très chouette. Ouais. Je l'ai trouvé très chouette. Et même dans ma partie New Game Plus où j'ai mis mon. Parce que ma première partie de Fallen Order, à la fin, j'avais choisi... comment ça s'appelle ? Pas Purple, mais... comment ça s'appelle ? Le bleu foncé. Indigo, merci Tuki. Indigo, oui. Indigo. Et le problème, c'est que là, quand j'ai commencé à Survivor, je suis passé direct au vert et j'arrivais plus à repartir. Je me suis dit, bon... New Game Plus, cette fois-ci, je vais mettre Indigo. Et du coup, j'ai fait tout mon truc avec Indigo. Et à la seconde où j'ai fini l'histoire dans mon New Game Plus, je suis repassé au vert quand même. Donc ouais, j'ai eu du mal à tester les autres. Même si le blanc rend plutôt pas mal. Mieux que ce que je pensais. Je l'ai même pas essayé. C'est vrai que c'est vraiment... J'ai eu aucun intérêt. J'ai aucun petit intérêt pour les couleurs genre sabre noir, sabre blanc et tout. Du coup, j'ai même pas essayé. Je sais même pas comment il rend. Il y a un gros regret, et j'en ai parlé, on en parlera peut-être. Non, je vais le dire maintenant au cas où j'oublierai, mais pour moi, Céré, elle aurait dû avoir un sabre blanc parce que elle aurait dû avoir le cristal purifié de Trilla. Et j'ai trouvé ça trop chelou qu'elle en ait un bleu. Voilà. Mais les couleurs des sabres, moi je vous avoue que je trouve ça un peu dommage que Cal commence direct le jeu avec toutes les couleurs possibles. Ça aurait été fun qu'on trouve les cristaux un peu comme des collectibles en fait. Bah non, parce que par principe du... Ouais, mais... dans le premier jeu, tu choisis... Moi, je suis même... je trouve même que le jeu est trop restrictif parce que tu commences le jeu, t'es obligé d'avoir le bleu. Et ça, j'ai pas aimé du tout. Parce que c'est pas la couleur que j'avais choisie dans le premier jeu. Et si on veut dans la continuation, je veux bien qu'ils soient habillés comme ils veulent l'habiller, mais ils auraient dû nous laisser choisir, d'une manière ou d'une autre, la couleur du sabre dès le début. Là, pour le coup, je suis pas du tout d'accord avec toi. Je pense qu'on aurait dû tout de suite commencer. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais en fait, je trouve ça un peu... J'aurais bien aimé qu'il explique comment il a eu pour avoir... 40 cristaux, mais même dans le premier jeu, ça me posait problème. Donc... Non, mais alors là, par contre, ça n'a rien à voir. Hein. Ça, c'est pas le... Ouais, il avait pas 40 cristaux. En fait, il en a qu'un. Il en a qu'un. Et c'est juste que c'est toi, en tant que joueur, tu choisis la couleur du cristal. Oui, ça n'a rien à voir. Ouais. Non, je mais dans le premier, parce que dans le premier jeu, justement, le cristal l'appelle. Il y a tout un truc là-dessus, mais il y en a super important. Il a une connexion avec un cristal, c'est clairement dit. Il est brisé, du coup il en a deux, mais c'est le même, c'est un jumeau. Enfin, c'est pour ça que c'était tellement important dans l'histoire du premier que j'ai été vraiment genre, oh, donc on est obligé d'avoir le bleu si on commence la partie. Oui, parce que surtout. Ça aurait pu être pire, si ça avait vraiment été des collectibles, imagine. T'aurais commencé avec le bleu et en plus t'aurais dû continuer à jouer avec le bleu. Ouais, non, j'avoue, ça n'aurait pas. Parce que le bleu, c'est la pire couleur de sabre laser. C'est vraiment immonde. Je comprends pas comment on peut aimer ça. Et ça juste pour Adrien, parce que c'est le plus gros normie de toute la Terre, là. Mais ouais, mais c'est terrible. Même moi, j'ai honte, mais le bleu, je trouve ça trop beau en sabre laser. En vrai, le cyan aussi, je l'ai trouvé très joli dans celui-là. Il rendait vachement bien. C'est bleu clair. Mais du coup, tu l'as un petit peu évoqué, Gruche, mais il y a tout ce qui est personnalisation du sabre et des armes, globalement, d'ailleurs, parce que le blaster aussi, et de BD-1 qu'on peut faire. Il n'y a pas que les coupes de cheveux et des fringues. Ça dépend de quand t'as pris le jeu. Hein. Si tu as pris le jeu, ça, c'est en précommande, hein, les trucs d'Obi-Wan. Alors, je parle pas des trucs d'Obi-Wan. T'as dit d'Obi-Wan. Non, j'ai dit de sabre et de BD-1. Oh, j'ai compris d'Obi-Wan. Est-ce que t'as des trucs de pré-order ou t'avais... Ouais, c'est vrai, je les avais, mais je les ai jamais utilisés. Ils étaient un peu chum. Là, c'est les trucs de l'épisode 1, donc tout ce qui est Jedi dans l'épisode 1, c'est nul à chier. Hein. Star Wars. Hein. C'est les trucs de la série Obi-Wan, en fait. Non, pas du tout. Oui, alors, la tenue, oui, mais le sabre laser qu'il te donne, c'est le sabre laser de Obi-Wan dans Star Wars épisode 1. Ah oui, 1, ok. Qui est dégueulasse. Okay, effectivement. Même si j'ai utilisé le bout, mais... Un des bouts. Et du coup, cette personnalisation-là, comme dans Jedi Order, en fait, on va pouvoir personnaliser des pièces du sabre, morceau par morceau. J'ai l'impression qu'il y a plus de morceaux différents, peut-être. Je me souviens plus bien. Ouais, je crois, ouais. Ouais. Ah oui, je pense. Mais c'est pas les mêmes. Et on va pouvoir choisir la matière, son polissage. Ouais. Donc, elle va plus ou moins briller en fonction du type de matière, et ça rend plutôt bien. Hein. S'il y a des matières, genre le cuir, quand c'est poli, ça va pas vraiment briller. Ça va moins briller qu'un métal. Ah oui, c'est pas juste des couleurs, c'est aussi des textures. Ouais, c'est ça, c'est des textures. En fait, on choisit plus des textures que des couleurs, d'ailleurs. Ouais, en fait. Ouais, c'est vrai. Et son état d'usure aussi. Ça, j'ai trouvé ça incroyable. Ouais. J'ai beaucoup joué avec ça aussi. C'est vrai que moi, j'adore les sabres en bois. Du coup, j'ai eu quasiment tout mon jeu, un sabre en bois et en cuivre. parce que je kiffe ça. Ah, et déjà, ouais, dans Jedi Order, c'est ce que j'avais fait. Mais là, le rendu est génial. J'ai trouvé que les rendus étaient trop, trop bien. Ah ouais, c'est magnifique. La poignée en bois, magnifique. On est d'accord. Et beaucoup, beaucoup d'éléments de personnalisation. Et en fait, j'ai fait évoluer le sabre en fonction des événements du jeu beaucoup. Genre, après un certain événement, j'ai transformé mon sabre en mi-sabre de... comment il s'appelle déjà son maître ? Jaral ? Jaro Tapal. Ouais. Jaro Tapal, j'avais transformé son sabre avec celui de Ciri. Ouais, pour moi faire j'ai mis des bouts de... Alors, moi, le mien, le final, il y a des bouts de Jaro Tapal, Serré et Cordova. Mais tu vois, c'est de ça que je parle quand je dis est-ce que le canon serait important pour vous, par exemple, parce que tu pourrais choisir des trucs qui n'ont rien à voir, mais moi, je suis quand même resté dans un truc où il fallait que ça signifie quand même quelque chose dans l'histoire du personnage d'une manière ou d'une autre. Ouais, pareil, ouais. Oui, bah j'ai fait pareil, mais c'est bien d'avoir du choix. Non, je sais, encore mais je demandais-vous votre comment vous faisiez. Moi j'ai fait totalement comme toi et Adrien. Ouais, j'ai fait des choses qui avaient de l'importance dans le contexte. Et donc typiquement, mon sabre final, c'est un mix serré et Jaro Tapal. De toute façon, le sabre de Jaro Tapal, pour moi, c'en est plus beau de tout l'univers, donc. Et du coup aussi, à force de changer les couleurs du sabre, je me souvenais plus c'était quoi sa matière d'origine. Donc à la fin du jeu, j'avais plus du tout un sabre en bois. J'avais été voir sur internet le sabre de Jaro Tapal et le sabre de Ciri pour faire avec les vrais métaux, tu vois. J'ai trouvé ça trop chelou qu'il n'y ait pas genre un bouton pour reset les trucs. Même BD, même le blaster, il n'y a pas de bouton genre ça te reset et ça te remet celui de base. Automatiquement. J'ai trouvé ça étrange qu'il n'y ait pas ça. Voilà. Juste pour info, d'ailleurs, ça me fait penser quand j'allais chercher les couleurs des sabres. Dans le canon, l'officiel de ce que tu peux acheter de Cal Kestis, genre le Legacy Lightsaber, là, ils appellent ça, genre quand tu vas à Galaxy Edge, à Disney, que tu achètes le sabre de Cal Kestis. Pardon. Oula. C'est le sabre de Jaro Tapal, mais explosé. Oui, c'est ça en fait. Celui c'est ça premier. Le sabre de Cal. Ouais. Au final. Ouais. Si demain il devait apparaître dans une série, j'imagine, il pourrait très bien ne pas avoir de double sabre et tout, mais juste avoir son sabre avec le bout qui est explosé. Non, parce que du coup, ça dépend à quel moment c'est, mais il le construit justement au milieu de... Enfin, à la fin de Jedi Fallen Order. À partir de Jedi Fallen Order, à la fin, son sabre, il est réparé. Il est réparé, oui, il est réparé avec deux sabres, en fait. Ouais, bah oui. Oui, oui, c'est vrai. Il est dégueulasse, d'ailleurs, à la fin du premier jeu. Mais non, c'est fou. Mais parce qu'il est, scrappy, il est. Mais non, mais quand tu gardes la vraie apparence avec le vieux bout écrabouillé là, et là il est crado. Ah mais même sans ça d'ailleurs, il y a un truc que je trouve un peu dégueulasse dans le jeu, au niveau du sabre, c'est la posture à deux sabres. Je trouve le deuxième sabre tellement tout petit, rikiki, je le trouve ridicule. Moi j'ai trouvé ça très malin parce que c'est. Pour le coup, ça puise dans les origines de voler des trucs dans tout ce qui est japonais et tout, et c'est clairement le sabre plus petit que mais la lame, avoir. Lame n'est pas plus petite. Bien sûr que si. Ah ouais. Oui oui. Tu vas voir, elle est à côté du Bogling dans le Mantis. non mais il faut que tu regardes. Mais oui oui, le petit sabre, il a en plus la lame qui est plus petite. Je suis pas fan de ça, j'avoue, j'aurais bien aimé. Ouais, moi non plus. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que je l'ai pas utilisé. Ça, c'était trop chelou. Mais c'est pour le coup, ça rappelle les origines de Star Wars qui volent tout sur la culture japonaise. Qui volent tout. Non, mais c'est un vrai problème, hein, pour le coup. De quoi Star Wars, j'avais lu pas mal de trucs, justement. Ah oui, et l'appropriation culturelle. Et l'appropriation culturelle, C'est un vrai débat qu'il faut avoir. Ah oui, complètement. Je suis en train de regarder des screenshots, c'est vrai que le sabre est plus petit. Mais oui. J'avais jamais trop fait gaffe. Alors que c'est super important, la taille du sabre, à mes yeux. Enfin, dit comme ça. Oui, oui, oui. Ça, on connaît. Et c'est pour ça que j'utilise la posture avec la crossguard beaucoup, parce que je kiffe que le sabre soit la grosse, si long. La grosse lame. Ouais, moi, j'utilise les gros sabres. Moi, j'avoue, j'ai utilisé parce que j'ai quelque chose à compenser, mais sinon, c'est... moi, c'est pareil, voilà. Bref, on enchaîne. Là, j'ai trouvé ça super bien. Mais justement, voilà, d'un côté, t'as ça avec inspiration samouraï et tout. Et puis de l'autre, t'as le crossguard qui est clairement Claymore et tout, inspiration médiévale européen, tu vois. Au niveau du style de combat et tout. Ouais, complètement. Voilà. En fait, c'est ce qui peut faire de mieux le jeu là-dessus, c'est que OK, il va continuer d'aller piocher culturellement du côté de l'Asie pour ça, OK, pas de problème. Mais il va aussi aller s'inspirer d'autres choses, donc notamment pour la Claymore. Bien sûr. C'est peut-être le mélange de tout ça qui va rendre acceptable. Bah c'est ça qui a fait Star Wars, en fait. Oui, c'est ça. C'est... Bah okay. À l'origine, c'était quand même très ouais. Bon. L'inspiration, elle venait d'un endroit, quoi. Ça fait plus d'une heure qu'on est là. On va pouvoir passer au deuxième point. On va pouvoir passer au grand 2 de cette soirée. On va plonger. Et ça, le pire, c'est que. Putain, ah ouais. On a presque rien l'épisode dit. L'épisode commence, c'est fini. Voilà, donc là l'épisode l'intro, commence. L'intro est terminée. On va parler de l'histoire des personnages, juste une petite intro, parce que là j'ai pas mis assez de catégories, hein. je vois mon plan, j'ai clairement pas parlé de plein de trucs, mais un truc que ce jeu-là avait et que j'avais pas vraiment dans le premier, c'est que j'ai chialé. Je m'y attendais pas du tout, hein, mais je crois que j'ai jamais autant chialé en jouant à un jeu vidéo de ma vie. C'est un vrai chapitre du milieu. Et je trouve ça très très rigolo parce que le premier jeu c'était genre, et si TLJ c'était déjà Gender Swap, mais aussi si c'était le premier. Et là ils ont fait, et si Rise of Skywalker c'était bien, et en plus c'était celui du milieu, parce que c'est vrai que ça a bien sa place, une chasse au trésor ou un truc comme ça, en chapitre oui, du vrai, milieu plutôt qu'en dernier film. Ouais. GG et Terio, c'est quand t'arrives à au dernier chapitre de ton histoire, c'est pas là que tu pars dans une quête pour trouver des planètes et tout. C'est là, c'est maintenant, dans le chapitre du milieu. J'ai trouvé ça intéressant, encore une fois, de voir plein de parallèles avec les récents films. Mais voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé, en gros, globalement, de l'histoire du jeu? Parce qu'on a parlé énormément du gameplay, mais l'histoire, les personnages, qu'est-ce que... même comparativement par rapport à d'autres médias Star Wars, quel est votre avis dessus? Et cette fois-ci, je vais envoyer Adrien en premier. Vas-y. Oh là là. J'aurais bien aimé qu'Ika parte en apnée avant moi. Mais, mais c'est compliqué parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire sur cette pièce Star Wars. Je trouve que c'est une œuvre Star Wars qui, alors, Fallen Order faisait déjà ça, où t'avais déjà cette impression que c'était une œuvre un peu à la limite entre les films, les séries animées, les séries, enfin, tu vois, t'avais déjà cette volonté de réunir plein de trucs, mais alors là, ça le fait encore plus, et ça le fait bien. C'est une série qui a la croisée, enfin, c'est un film, pardon, oula, un jeu, tu vois, je me perds, un jeu qui a la croisée de plusieurs séries Star Wars, et ça référence tout plein de choses, mais ça, en fait, c'est même pas des références, ça prend juste en compte que Star Wars, c'est un univers qui évolue, et c'est un jeu tellement intelligent de ce point de vue-là, c'est un Star Wars tellement intelligent. Maintenant, j'ai quelques réserves à des moments sur certains trucs, mais ça, j'en parlerai peut-être un peu plus tard, mais pff, c'est merveilleux, c'est un jeu qui est tellement émouvant, qui réussit tout ce qu'il entreprend ou presque en termes de son histoire et de nous montrer un Star Wars, quoi. C'est un putain de bon Star Wars. Mmh. Ika, à ton tour. Et moi, ça va être un peu plus court, mais j'ai trouvé ouais, c'est du putain de bon Star Wars. Adrien, je suis totalement d'accord avec tout ce qu'Adrien a dit. Ouais. Et j'ai trouvé vraiment bien, surtout au niveau de l'écriture des personnages, ils se sont pas perdus. C'était ma crainte. Hein. C'était ma grande crainte entre le premier et le deuxième. Et au final, c'est bon. Ils ne se sont pas perdus. L'écriture est bien. J'ai pas eu d'émotion comme toi, Gruche, mais pour autant, j'ai été beaucoup plus happé personnellement, intimement dans l'histoire que le premier, clairement. Et enfin, ce que j'ai vraiment adoré, c'est que l'équipe d'écriture derrière le jeu, il y a eu un vrai boulot de ce qu'on attend sur du Star Wars, qui est un univers aussi immense, de coopération avec le lore existant, avec les équipes écriture d'autres projets. Mmh. Et donc le jeu va à la fois va à la fois se raccrocher à la Haute République, qui est un projet qui est encore alors c'est pas on un projet bébé, moitié. Hein, on en est à la moitié déjà, mais pour autant on n'avait pas eu vraiment l'occasion d'avoir beaucoup de Haute République encore en dehors des bouquins et des comics, donc voilà, ça fait super plaisir, tout en restant très cohérent, parce qu'on a des éléments, des morceaux de lore des fois alors, qui apparaissent mais moi ce que j'ai eu, j'ai trouvé ça globalement quand même très cohérent, et ne serait-ce que par exemple sur The Pass, sur le Hidden Pass, oui, ça c'était vraiment inattendu. Ah ouais. Et le raccrochage qu'ils font avec la série Obi-Wan là-dessus. Enfin voilà, c'est ça que j'attends dans Star Wars, c'est que ça se raccroche à des éléments, à d'autres projets, à d'autres éléments, tout en restant quand même cohérent. Alors a priori, je suis passé à côté de certains éléments sur les incohérences. Moi, la manière dont je l'ai vécu, j'ai trouvé ça cohérent. Et du coup, c'est ce qui m'a le plus plu en fait dans l'écriture, c'est le fait qu'il y ait communication entre les différents projets et qu'ils puissent intégrer des éléments d'autres projets et d'autres sections Star Wars qui sont en cours d'écriture ou qui existent à côté, quoi. Ouais. Et ça, c'est ça, moi, j'attends Star Wars, parce que Star Wars, pour moi, ça doit être un grand univers cohérent et pas des projets qui ont rien à voir les uns avec les autres. Enfin, si, des projets qui ont rien à voir avec les uns et avec les autres, mais qui veulent pas dire qu'ils existent pas les uns sans les autres, quoi. Enfin, voilà, c'est ça qui est important pour moi. Et donc, voilà, de ce côté-là, j'ai été complètement conquise là-dessus et par l'écriture globalement des personnages. C'était super. Mmh. Ouais, en plus, voilà, c'est pour toi, c'était important, et comme c'est un chapitre du milieu aussi, ça se concentre énormément justement sur les sur les personnages, sur ce que leur développement et sur évidemment qu'est-ce que ça veut dire, quel message ça veut faire passer à travers ça. Un personnage qui m'a beaucoup surpris, je m'y attendais pas du tout, c'était Merin, qui nous montre des trucs qu'on n'a jamais vraiment pu voir dans Star Wars, un traitement du côté obscur et de comment tu l'utilises et surtout voilà la raison, enfin beaucoup de thèmes en commun évidemment avec ce qui fait que j'adore Last Jedi par exemple aussi, et c'est pour ça que du coup à côté de ça le jeu a pu se permettre pour les c'est un jeu en quatre actes pardon, et les trois premiers sont vraiment très classiques, très simples, très vraiment c'est pas complexe, c'est vraiment enfin voilà. c'est compréhensible ou pas? Non, mais c'est simple, mais super efficace. C'est simple, efficace, tu vas droit au but. Et même si, oui, peut-être que t'aurais pu avoir plus, je trouve que le quatrième acte, il apporte tout ce qui manquait, en fait, au reste, et du coup, il n'y a aucun souci là-dessus. Parce qu'au final, tu te concentres vraiment sur les personnages principaux. Et ceux qui sont moins servis par l'histoire, c'est pas trop grave parce que le temps où ils sont là, ils sont hyper efficaces, ils sont super. Enfin, par exemple, Ravis, très très simple, mais je l'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé, beaucoup plus que ce que je pensais au début. Je me dis, oh non, qu'est-ce que ça va être encore? Surtout un Gendai. Qu'est-ce qu'ils vont raconter avec un type comme ça? Et j'ai adoré sa personnalité. Et pourtant, voilà, il y a pas énormément de choses, mais voilà, c'est suffisant. Et en fait, c'est con qu'il meure. Une grosse grosse différence entre celui-là et le précédent, c'est que cette fois-ci, Cal n'a pas besoin des autres personnages pour briller. C'est-à-dire que dans le premier jeu, il y avait Cal et le jeu était, enfin, le cast était bien en tant qu'ensemble. Là, le cast est bien en tant qu'ensemble, mais Cal Kestis lui-même est devenu un personnage intéressant, touchant, plus, je trouve, que dans le premier. En fait, grâce à tout ce qui était fait dans le premier aussi, c'est ça qui est bien, c'est que comme ils sont bien dans la continuité, t'as beaucoup plus de layers, comment on dit, de couches différentes. De couches, au niveau. Qui se sont mises ensemble et pour qu'au final, ouais, Cal Kestis, c'était un personnage que j'aimais bien jouer, et c'est devenu un personnage que j'adore tout simplement. Et on verra le troisième jeu, mais sûrement mon Jedi préféré, peut-être de tous maintenant. Ça me donne envie de rebondir sur ce que t'as dit. T'es pas revenu. Eh ben vas-y, parce que moi j'arrivais au bout là. Tu disais que c'était simple. J'aimerais juste dire que c'est à la fois simple et efficace, effectivement, et en même temps, pas tant que ça, parce que on n'est pas sur une histoire où on va te dire, ah tiens, voilà, ça c'est le gros méchant, et ça va être le gros méchant jusqu'à la fin. C'est pas vrai. Souvent dans des histoires simples, dans les 5 premières minutes, tu vois le gros méchant, et c'est pas le cas de ce jeu-là. Enfin, tu vois un gros méchant dans les 5 premières minutes, mais... Alors, oui, techniquement, oui, t'as raison. Littéralement, le premier personnage que tu vois, c'est le méchant. Mais si on te le présente pas comme ça, tu vois ce que je veux dire? Oui. Et c'est pas un méchant. Par exemple, il y a un truc encore, bête, mais ouais, voilà, j'ai été spoilé de 2-3 trucs. Et du coup, alors si, je suis désolé Adrien, c'est un méchant. Mais j'ai été spoilé de 2-3 trucs. Mais et du coup, je savais pour ce méchant-là. C'est dommage parce que c'est le seul spoil où j'ai un peu regretté, même si je le sentais venir depuis un moment en fait dans le jeu. Au moment où j'ai été spoilé, je le sentais déjà venir. C'est que au moment où on arrive à vaincre le deuxième gros méchant du jeu, on va dire. Oui, c'est ça. À ce moment-là du jeu, tu te dis... En fait, c'est bizarre. Du coup, je suis déjà à la fin du jeu. Parce que ça y est, c'est fini. Il n'y a plus rien. Ouais, mais t'as l'autre qui commence à être bizarre aussi. Ouais, c'est pour ça que je m'en doutais. Je l'ai senti venir. Mais... Et après, j'ai été spoil avant de vivre la grande trahison. Mais malgré tout, à ce moment-là du jeu, il y a quand même un twist quelque part, parce que tu arrives à un moment du jeu où tu n'as plus d'ennemis. À ce moment-là du jeu, tu n'as plus d'ennemis. Quand tu as vaincu ton deuxième gros boss, tu n'as plus d'ennemis en face de toi avant la trahison, quoi. C'est ça. Et c'est pas si simple en écriture, hein, de faire des rebondissements pareils. Mais alors, je trouve qu'ils ont parfaitement réussi à faire une espèce de cassure dans la narration. Et j'adore quand des œuvres font ça. Et ce qui est fou, c'est qu'ils l'ont fait deux fois de suite, puisque dans le premier jeu, il y a déjà ça, où en fait, tu te retrouves sans sabre laser et tu dois aller en refaire un sur Ilum, où vraiment ça coupe en plein milieu la narration du jeu, et pour faire un truc un peu plus soft. Et là, c'est pareil. Tu crois que c'est la fin, et en fait, non. Et j'adore quand une œuvre fait ça. Je me rappelle j'ai que j'avais été... J'ai pensé la même chose que toi. C'est vrai, et je me rappelle que j'avais c'était été comme le complètement... Premier. Ouais, j'avais été complètement, mais moi, retourné quand j'étais gosse, quand j'avais vu Spirited Away, Le Voyage de Chihiro. Oh. Où justement, il y avait un truc pareil, où à un moment donné, tu penses que c'est fini. Et en fait, non, t'as une pause, un peu un moment de flottement, et ça repart. Et c'est mais merveilleux. Et quand des œuvres font ça, moi, je suis à chaque fois... j'adore, parce que ça te permet de te poser un peu avec les personnages... Et ensuite de repartir de plus belle dans l'action, mais ça fait une pause. Pire. Voilà, ouais, ça fait une pause. C'est le calme avant la tempête, en fait. Absolument. Mais c'est vrai que c'est incroyable. J'adore. Et ouais, je suis totalement d'accord. Et le deuxième truc sur lequel je voulais rebondir par rapport à ce qu'a dit Gru, c'est que Cal Kestis, c'est ça, c'est un personnage qu'on aimait bien jouer, et ça devient un personnage complet qu'on adore. Et ça me fait penser que moi, dans mon ressenti, j'attendais vraiment du deuxième jeu qu'on puisse jouer, par exemple, Mérine, qu'on puisse jouer un duo. J'espérais vraiment jouer un autre personnage et tout. Et en fait, ce deuxième jeu, il a réussi avec brio, hein, parce que je suis pas frustré du tout. Mais il m'a rappelé que je suis pas en train de vivre l'histoire du Mantis ou de l'équipage du Mantis. C'est faux. On pourrait croire que je vis l'histoire du Mantis, mais c'est faux. Je vis l'histoire de Cal Kestis, en fait. Et le premier jeu, il est apprenti. Le deuxième jeu, il est chevalier. On s'attend tous à ce que le troisième jeu, ça soit il est maître. Voilà, mais, c'est ça. Mais on vit l'histoire de Cal Kestis. Je sais que dans le troisième jeu, je ne jouerai pas un autre personnage que Cal Kestis, je vais jouer un autre personnage dans un moment de drame où Cal Kestis n'est pas là, c'est important de le raconter. On a ça dans le jeu là. Mais c'est court. C'était important de le faire quand même. En plus, mais c'est pas l'histoire de Cal Kestis. Ouais. Bah, dans ce jeu-là, en plus, techniquement, t'es toujours Cal parce que ce que tu joues, c'est ce qu'il voit grâce à sa... comment ça s'appelle son psychométrie. Psychométrie. Ouais. En fait, en touchant l'autre personnage que tu joues. Ouais. Et en fait, il revit ce que toi, t'es en train de vivre. En fait, même là, t'es toujours dans la continuité de tu es techniquement Cal Kestis, ce qu'il voit, ce qui est en train de se passer. C'est ça, exactement. Et du coup, ça m'a ramené sur Terre là-dessus. Et ça m'a donné beaucoup d'espoir que t'aies dit ça. Pourquoi ? Bah, que t'aies pointé ça du doigt, ça me donne beaucoup d'espoir sur le prochain. Et par comment rapport il pourrait finir. Ah oui. Et du coup, je m'attends plus maintenant à ce que le troisième jeu, je puisse jouer quelqu'un d'autre. Et c'est même pas ce que je souhaite, en fait. Je veux aller au bout de l'histoire de Cal Kestis parce que c'est ce personnage-là qu'on est en train de suivre. Et en plus, je veux aller au bout de l'histoire. C'est d'autant plus vrai que Jedi Order et Jedi Survivor n'ont pas la même histoire. Par exemple, tout à l'heure, Gru, tu disais, c'est un épisode du milieu. Alors certes, c'est un épisode du milieu, mais c'est pas une continuité. Il y a pas de fil rouge entre le 1 et le 2. Oui, on même vit d'autres aventures. Et du coup, et vu comment finit le 2, on vivra pas un fil rouge dans le 3. Enfin, si, il y aura peut-être. Techniquement, il y aura peut-être un fil rouge par rapport. Deux fils rouges. Voilà. Quand même. Hein. Il y aura Danalor. Voilà, non, probablement. Mais entre les deux jeux, là, il y a deux éléments qui reviennent dans les deux. Alors, moi, j'en vois un, de uniquement. Très je vois, et c'est celui qui me fait un peu peur. Non, taisez-vous. Ouais, moi aussi. Taisez-vous. C'est Vador. Ouais, voilà. Ah, si, désolé, il faut le dire. Pour moi, j'ai forte chance que. Enfin, qu'on va le revoir encore une fois. Et peut-être pas, hein. Peut-être pas. Mais pour l'instant, il était dans les deux. Et pareil pour la guilde de Bounty Hunters de Sork Tormo, là. C'est possible qu'il revienne dans le prochain aussi. Oui, parce qu'il est toujours pourchassé. Il n'y a pas de raison qu'il ne le soit plus. Hein. Bah ouais, c'est ça. Mais bon, c'est un élément secondaire, ça. Ça, c'est un élément secondaire, mais qui pourrait devenir principal dans le prochain ou un truc comme ça. On sait. Peut-être, ouais, ouais, on sait pas trop. De toute façon, ils ont le champ libre pour écrire ce qu'ils veulent. Ouais, ouais, ouais. En attendant, moi, je suis quand même bien fier de moi parce que j'étais le premier au sein de ce podcast à Stan Calquestis en disant que c'est le meilleur et que c'est mon bébé et tout. Et maintenant, vous avez bien retourné vos vestes. Hein. Ah bah moi, j'étais pas là, c'est facile. J'avais raison depuis le début. J'avais raison depuis le début. Non, c'est juste que dès que tu aimes bien quelque chose, Adrien, tu aimes. C'est pas que tu aimes bien quelque chose. Tu t'es incapable de faire ça. Tu adores un truc. C'est ton nouveau truc préféré. Et puis deux jours après, t'as peut-être oublié, mais c'est. Et si tu c'est en vrai. Reparles un ou deux ans plus tard, c'est toujours ton truc préféré, même si t'as un million d'autres trucs préférés entre temps. Absolument. Et ça, c'est tu la, sais quoi ça, c'est la patte Adrien, ça. Et tu sais quoi, t'as complètement raison, et c'est pas une mauvaise chose. Non, non, c'est pas un défaut du tout, c'est juste, tu es, c'est comme ça, c'est juste un fait. C'est vrai, non, donc, c'est vrai. C'est on vrai, peut c'est pas vrai. T'écouter quand tu dis des trucs comme ça, Adrien. Qu'est-ce que ça c'est veut vrai, dire, tout est ton vrai. Truc préféré. C'est vrai, non mais c'est vrai, c'est vrai. Mais quand même, voilà. Est-ce que tu avais d'autres trucs à dire, Ika, je me souviens même plus J'étais complètement coupé comme... Non, c'était les deux trucs sur lesquels je voulais rebondir, c'était ça. Ouais. Rien de plus. Mais oui, du coup, voilà, tous les personnages sont développés, même ceux que tu vois moins, comme par exemple Serré, qui est le personnage du premier jeu qu'on voit le moins. Alors, on la voit le moins, mais aussi c'est celle qu'on joue à un moment. C'est très rigolo parce que j'étais pas très fan, et puis après j'ai lu Battle Scars et le fait d'avoir un peu son point de vue et tout, je me suis dit ok, je l'aime bien. Et puis Cal arrive et j'ai beaucoup changé d'avis depuis, mais quand il arrive et qu'il se revoit, je l'ai trouvé hyper froide et je me suis dit oh putain, quelle colasse. elle était je l'ai trouvée très distante, très froide avec Cal. Ouais. Des faux airs de je suis regarde-moi, je suis trop une Jedi et toi tu pues la merde. Qui au fil du récit change complètement mais ouais, j'ai une grosse appréhension en la retrouvant dans le jeu et puis au final, quel impact. Un gros, gros impact. Et je suis très content des choix qu'ils ont fait avec elle. C'est quelque chose de... Enfin, est-ce qu'on peut tout de suite parler de son destin ou pas? Bah oui, de toute façon, on est complètement spoil. Voilà. Hein. Mais parce que j'ai repensé à Battle Scars, et dans Battle Scars, Cal voit Cyr comme étant... la plus grande Jedi qui existe, tu vois. Et en gros, le livre sous-entend que c'est la plus puissante Jedi de la galaxie à l'heure actuelle, tu vois. Et en fait, je trouve que le jeu lui donne raison. Ouais, oui. Oh, ça, c'est un truc par rapport au gameplay dont on n'a pas parlé du tout, parce que c'était un peu spoiler. Mais l'utilisation du côté obscur. Incroyable dans la façon dont ils l'ont gamifié, mais je trouve ça encore plus incroyable quand on joue serré avant, parce que quand tu utilises le côté obscur, t'es surpuissant pendant une petite période, et après tu te sens comme une merde de l'avoir utilisé, mais t'es sorti de ta situation quand tu l'utilises. Mais serré, elle est tellement puissante dans le côté lumineux que elle est moins puissante que quand tu utilises le côté obscur, mais elle est beaucoup plus que Cal, même si tu lui débloques tout. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. En fait, c'est vrai, super puissante tout le temps. Voilà, moins que Cal en côté obscur, mais elle est super puissante. Exactement. Et j'ai trouvé ça tellement bien foutu au niveau du gameplay. Ce feeling de ah ouais, tu déconnes pas. Et de l'autre côté, tu vois le côté obscur, tu vois à quel point c'est utile et tout, mais elle est tellement solide, en fait, dans le gameplay, j'ai trouvé ça extraordinaire, vraiment. Et son ult, il est incroyable. Oui, en plus, et vraiment, Et ça, c'est un truc qui est super. C'est vraiment le gameplay au service de la narration. Et c'est une des meilleures versions et exemples de la différence entre le côté lumineux et le côté obscur. On n'a jamais eu aussi bien que ça, je pense, en termes de jeux vidéo, que oh, ça. Oui. Ouais, sur la représentation du côté obscur, là, c'est parfait. Ouais. Le jeu passe en mode facile. C'est plus facile, c'est tentant de l'utiliser, mais tu te sens comme une merde, donc t'essayes de pas l'utiliser. En tout cas, moi, c'était mon cas. Ouais, ouais, c'est ça. Hein. Pareil. Mais indéniablement, il y a des moments où bah, je l'ai quand même fait, quoi. Il n'y avait pas le choix. Alors, quand le jeu te laisse pas le choix de le faire, ok, bien sûr. Ouais. Quand il y a trop d'ennemis à l'écran, clairement, il te pousse à l'utiliser. Mais même à la toute fin, je m'étais dit, le boss de fin, je le fais sans, tu vois. Parce que c'est pas, ouais. Ouais, pas son la, la troisième et au final, phase, je l'ai quand même utilisé avant même que le jeu t'oblige à le faire. Ah ouais. Moi, non. Moi, je suis mort. Moi, je suis mort parce que, alors, à un moment donné, le jeu, t'es dans une espèce de QTE. On te demande de sombrer, pas de sombrer, mais en tout cas d'utiliser le côté obscur. Et moi, je l'ai pas fait. Et le jeu m'a fait mourir. Et j'ai dû recommencer le combat de boss. J'ai fait exactement comme toi. Je me suis dit, bah non. À mon avis, tu sais, c'est, je pensais que c'était voulu que ce soit un QTE qui t'oblige à le faire. Et je me suis dit, bah non, je vais pas le faire. Ouais. Et je pensais que ça allait continuer. Je pensais que le jeu allait avoir une suite, tu vois. Et en fait, non, il te tue, il t'oblige à le faire. C'est dommage. J'y ai pensé. Après, je me dis, non, bah non, parce que c'est pas moi, c'est Cal. Du coup, j'ai failli faire, j'ai failli aller jusqu'au bout comme vous, mais vraiment à la dernière seconde, j'ai fait non, clairement ils veulent que. Mais c'est, il ça, c'est un truc que je trouve dommage, qui est plus ou moins bien fait. C'est là, j'ai ressenti une vibe. Je suis désolé, hein, The Last of Us 2. Hein. Donc, j'allais faire j'allais un truc dire. Que j'ai pas envie de faire. J'allais je suis désolé, dire. Mais. J'allais te dire, Ika. Il y a des jeux dans lesquels ça passe bien. On prend la fin de MGS3, la toute fin, la dernière image de MGS3 où on t'oblige à tirer et t'es pas obligé de le faire. Et ça va pas te faire game over si tu le fais pas. C'est juste que tu finiras jamais le jeu. Et là, c'est bien fait et t'as les larmes aux yeux et tout quand tu le fais. Mais façon Last of Us 2 et façon ce qu'on a eu là sur la bataille finale c'était pas super. Si je trouve. Ouais. Ne vous donnez pas le choix de le faire, quoi. Faites-le. C'est ça, faites-le. Ouais. Si jamais il n'y a pas le choix, bah faites-le. Mais nous ne donnez pas le choix, quoi. Voilà. Ouais, c'est complètement. Ça. Ouais. Ou alors, c'est pas l'histoire de Cal Kestis, c'est la mienne au travers de Cal, tu vois. Mais à un moment donné, il faut faire un choix, quoi. Ouais, complètement d'accord avec toi. Ouais, complètement d'accord avec toi. Mais on est d'accord que c'est quand même dérisoire par rapport à. Ah non, mais c'est dérisoire par rapport. Ouais, non, mais complètement. Ouais, complètement. C'est une scène. À la fin de Jedi Survivor, et encore, je l'ai pas fait, mon personnage est mort, et j'ai repris, et j'étais pas plus. Ouais, mais le combat est tellement bien. Les combats sont tellement bien qu'en fin de compte, c'est pas très grave de recommencer, quoi. Sauf un qui était difficile, mais il était bien aussi. Ouais, mais il était bien aussi, donc en fait, ça va, hein. Quel combat? Revis, qui est quand même le plus dur de tout le jeu. Ah, je l'ai explosé. Moi, c'est le rancor c'est le rancor qui m'a explosé. Et mais le rancor, c'est pas un vrai boss, c'est un boss optionnel. Non. C'est mais. Ennemi légendaire. C'est ça. Et le double connard, là. Ça, j'ai pas le double bogdan. Moi, j'ai mis en story mode, hein, moi, j'en ai rien à foutre. Eh ben, moi, j'ai passé en mode normal parce que j'arrivais pas sinon. Ah, je l'ai passé en mode difficile, mais ouais. Bah, moi, j'étais en mode normal et j'ai passé en story mode. Par contre, je crois que j'ai first try tous les boss de l'histoire. Ouais, mais après... En l'occurrence... Ah ouais, moi j'ai first try, le seul, c'est horrible, mais le seul que j'ai first try à chaque fois, c'était Dagan. Déglingué à chaque fois. Pareil, ouais, il est vraiment Dur, il a pas un moveset très compliqué, hein, Dagan, il est... En fait, il a vraiment un move... Mais ça aussi, c'est bien géré, c'est qu'il est pas chaotique, parce que c'est quand même quelqu'un qui est un entraînement de Jedi toute sa vie, en fait, et du coup il est assez prévisible très très vite, en fait, quand tu dans chaque combat. C'est pire que ça, il est persuadé d'être toujours un Jedi, lui. Non mais surtout le mec, pas vraiment. On l'oublie peut-être, hein, mais le mec, il a quand même moisi dans de la vinaigrette pendant 200 ans, donc oui, c'est vrai, mais j'ai cru qu'il était dans la vinaigrette. Adrien, qu'est-ce que tu en penses de ta représentation, Andy, dans ce Star Wars? Eh ben, en vrai, il y a plein de trucs à dire, hein. J'hésite à commencer un compte Twitter, qui répertorierait. Non, mais ouais, alors ce serait bien, mais même au-delà de ça, qui répertorierait tous les persos qui ont ou ont eu des membres coupés dans Star Wars. Je pense qu'on pourrait faire plein de trucs trop bien, parce que ne serait-ce que dans le jeu, on en a plein. Et en vrai, en termes de représentation, on dit, t'as des trucs à dire dans le jeu. Ça reste quand même minime, il me semble. Mais c'est cool d'avoir des gans avec un bras en moins. Bah oui. Même si c'est dommage que dans son combat final, elle utilise la force pour s'en faire un. J'ai pas compris le... J'ai trouvé ça bizarre, parce que dans le deuxième combat, il utilise clairement la force avec son membre fantôme. Et je trouvais ça vachement plus intéressant, parce que c'était pas carrément littéralement un bras de force. Ouais. Du coup, le deuxième combat était plus géré par rapport à ça. J'ai justement trouvé que c'était une superbe représentation au niveau de ce que c'est la force et de comment elle fonctionne, et que avoir un bras coupé, ça change rien à ta façon de l'utiliser. Mais c'était bizarre. Complètement. Et du coup, Dagan, vous avez apprécié le personnage? Parce que j'étais... C'est le seul personnage qui m'a un peu déçu. Justement, quand je parlais de trucs simplistes, de trucs simples, je pensais spécifiquement à Dagan. D'un côté, j'aurais voulu en avoir beaucoup plus, et de l'autre, je pense que les vibes étaient suffisantes, et j'ai du mal aussi à me dire qu'est-ce qu'on aurait pu dire de plus avec lui spécifiquement. En fait, je pense que j'aurais bien aimé avoir un méchant un peu grey en Dagan, tu sais, à base de genre, ouais, je suis un gentil Jedi qui a peut-être merdé, hein, mais je suis un Jedi qui est pas forcément méchant, mais genre, comment vous avez fait pour perdre face à l'Empire, bande de nuls? Mais c'est pas du tout ça son histoire. Oui, je sais bien, mais moi je pense que j'aurais bien aimé ça en fait. Ouais, parce que j'ai été spoilé par des éléments, mais par contre, avant la sortie du jeu, personnellement, j'avais même pas regardé les trailers. Le peu d'images que j'avais vu qu'il y avait un Jedi, et j'avais demandé juste à Grush en privé, je me souviens, je t'avais demandé, Grush, attends, la tenue de ce mec, est-ce qu'il vient de la Haute République? C'est quand même chelou. Ouais, ouais. Et tu m'avais dit oui, et moi je pensais, je savais pas que ça allait être un méchant, du coup, quand j'ai commencé le jeu. Je sais pas si dans les trailers c'était visible ou pas au final, tu vois, mais ouais, je savais pas. Tu sentais très vite que c'était le méchant. Ah. Mais du coup, moi, j'ai commencé le jeu sans le savoir, et du coup, c'était ma première déception, parce que j'espérais que ça soit pas un méchant. Il y avait tellement à raconter. Je me suis dit, c'est enfin un lien avec la Haute République direct, un témoignage direct de la Haute République auprès de Cal Kestis. je trouvais ça merveilleux. Du coup, le fait que ça soit un méchant, ça me fout tout ça à la poubelle. Donc ma déception, elle vient de du fait que j'ai quand même regardé des éléments du jeu avant sa sortie, et du coup j'ai créé des faux espoirs, et c'est surtout pas ce qu'il faut faire. mais le personnage en lui-même, moi j'ai trouvé qu'il était assez pauvre finalement. Le seul truc que je dirais, c'est que moi je pense qu'il se pense toujours Jedi, mais meilleur Jedi que les Jedi qui l'ont trahi à l'époque, tu vois. Je pense que dans sa tête à lui, il est pas devenu un gros méchant, tu vois. Non, pour moi il se voit pas comme un Jedi, mais il se voit pas comme un méchant, évidemment. Ceci dit, le mec, il met direct son sabre laser en rouge. Du coup, tu te dis, bon, il sait quand même ce qu'il est en train de faire. Ouais. Parce que c'est un truc qu'il faut... Enfin, tu le fais de manière consciente. Hein. Donc, c'est pour ça que pour moi, je pense pas qu'il se voit encore comme un Jedi, parce que les Jedi l'ont trahi, c'est des connards, et puis c'est tout. Mais, voilà. Ça veut pas dire que lui, c'est un méchant. Donc, ouais, au niveau de l'écriture des méchants, il y a lui que j'ai trouvé un peu, du coup, décevante. Il y a Revis, je l'ai trouvé incroyable, j'ai adoré Revis, personnellement. Et encore une fois, il y en avait pas assez. D'ailleurs, il n'y en avait pas assez, je suis d'accord, mais je l'ai quand même adoré, sa mentalité, qui il est, etc. Et le méchant final du jeu, qui pour moi est un méchant, comme j'ai jamais eu d'empathie pour lui. Franchement, je trouve son design un peu nul, je trouve le personnage, c'est le bro. J'ai soufflé, hein. Franchement, pendant tout le jeu, j'ai soufflé, et qu'il devienne le méchant, à la rigueur, je m'étais juste dit, chouette, je vais pouvoir lui mettre des baffes, quoi. Oh, Yaika. Rigolo, je suis désolé. Qui a dit qu'il avait une tête à claque? Mais ouais, non, je trouve vraiment son design un peu raté, sa tenue, elle est comment dire. on en avait parlé vite fait sur le Discord, mais je trouve sa tenue un peu ratée aussi. Elle est pas marquante. On dirait un personnage secondaire sur lequel il y a les mecs, ils ont pas. Mais il a une tenue qui ressemble à celle secondes, de quoi. Grise dans le premier. Hein. Ouais, mais Grise étant un alien, ça change tout. Je suis désolé. Là, non, c'est mais un pauvre. Justement, je trouve qu'il a une tenue de mec normal, en fait, de personne lambda. Ouais, mais quand tu fais un humain en personnage, t'essayes de lui faire des caractéristiques de design un peu différentes pour le sortir du lot, quoi. Je sais pas, je trouve boring. Il est boring as fuck, le personnage physiquement. Et il est boring as fuck tout court. Et il nous fait une petite Anakin. Ouais, c'est bon, vas-y. Il nous fait pas une Anakin. J'adore sa fille. Mais lui, ouais. Ouais, Moi, désolé, Adrien. Alors, mais... Non, mais alors, en vrai, autant pour le design, je suis d'accord que là où Dagan Gera, il est vraiment l'un des designs les plus stylés de Jedi qu'on ait vu en audiovisuel, bon, Boat, c'est quand même moins le cas. Mais je sais pas, j'ai vraiment été marqué par la fin du jeu. Et par le fait que j'ai adoré tout le jeu. Et en fait, j'ai vraiment du mal encore aujourd'hui à le considérer comme le méchant. C'est juste un mec qui a été genre blackmailed au point de trahir tout ce en quoi il croyait pour sa fille. Genre pour moi c'est juste un mec qui est genre désespéré c'est l'histoire d'Anakin quoi. Mais pas vraiment voilà. Parce qu'Anakin bah, c'était si. Pas non. Non parce que Anakin c'est une petite merde qui pue du cul. Anakin. Ouais mais non mais lui c'est pas je sais pas lui il a ce côté genre vraiment genre désespéré. Anakin il avait tout à portée de main. Lui, il est rien, tu vois. Il a rien. Il a que sa fille. Et en fait, tu vois, je me dis, genre, c'est fou de, enfin, je sais pas. Moi, la fin, elle m'a fait un, alors, j'ai adoré le jeu, hein. J'ai tout adoré. Mais je trouve que la fin, elle est d'une tristesse. Elle est vraiment, vraiment tragique. Et. Bah oui, mais il choisit. Je suis désolé, à la fin, il choisit, hein. Il choisit de rester sur sa voie. Bien sûr. Il choisit le côté obscur, intentionnellement. Déjà, il choisit pas le côté obscur. Mais surtout, c'est parce qu'il a été brainwashed par ISB. Et en fait, il panique, en fait. Il est en panique totale. Et tout ce qu'il veut, c'est sauver Kata. Et en fait, il est vrillé. Le mec, il a complètement vrillé. Et en fait, pour moi, il est loin d'être méchant. Et en fait, c'est fou ce que je veux dire. Et j'adore Cal, hein. Mais à la fin, c'est Cal le méchant. Je dis pas que Cal est le méchant du jeu. Je dis que qui tue Baud qui est désarmé, c'est Cal, tu vois. Et ça m'a fait trop de la peine d'ailleurs parce que voilà. Il lui laisse le choix. Mais il lui donne le choix. Le mec est en train de tuer Meryn jusqu'à la dernière seconde et à la fin il lui redonne encore le choix. Et qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de lui tirer dessus. Et c'est là qu'il oui, se rend bien. Compte. En fait, il mais va jamais là, s'arrêter. Mais c'est là où. Non, mais c'est là. C'est là où. Jamais mais s'arrêter. C'est là où c'est super. En fait, Cal le tue parce qu'il n'a. C'est Cal qui a pas le choix. Oui. Mais Cal, oui, il mais laisse mais le choix, mais Cal n'a pas le choix. Mais c'est ce que j'ai justement. C'est justement là où c'est intéressant et où le jeu justement, et je trouve tragique, c'est parce qu'en fait, les deux sont poussés à faire des trucs qu'ils veulent pas faire. À cause de l'Empire, à cause du côté obscur, à cause. Et c'est là où je trouve les deux trop intéressants. Son histoire, elle est tragique, mais il fait des choix, je suis désolé. Son sabre est rouge, hein, on en parlait tout à l'heure, mais. C'est pas son sabre, c'est celui de Dagan qu'il a récupéré. Il l'a récupéré. Après qu'il soit. Après, quand on tue Dagan, on s'en va, et lui, il récupère le sabre, en fait. Ah, j'avais pas pigé ça. Et oui, en fait, j'avais pas compris. Et après, j'ai vu, à la fin, quand il est mort, Cal pose le sabre sur son torse. Et je me dis, mais attends, mais c'est celui de Dagan. Et après, quand tu vas, tu peux retourner à des endroits et il y a les échos de... comment il s'appelle? De Baud. Et là où tu as tué... Dagan, il parle du fait qu'il va prendre le sabre laser au cas où. Ah, intéressant. Non, c'est pas le incroyable. C'est ça, c'est bien. Mais c'est super. Je crois que c'était pas assez explicite parce qu'il y a pas mal de gens qui sont passés à côté. Mais même moi, hein, on en avait parlé, Grushkov, par message. Ouais. Tu m'avais dit, ouais, c'est le sabre de Dagan. Et effectivement. Mais non, moi, franchement, c'est ouf parce que je pensais pas que j'allais aimer autant un méchant que j'ai maîtris là. Et en fait, c'est arrivé. Parce que vraiment, Baud, je l'aime trop. J'aime trop la dynamique de l'agent infiltré qui fait des trucs auxquels il veut, enfin, qu'il veut pas faire parce qu'il a il est complètement terrifié, tu vois. Je sais pas. J'aime trop ce trope, en fait, Je comprends pas, Ika. Bah non, moi, je sais pas. Je trouve vraiment que c'est un vrai méchant. Le seul moment où il m'a touché, c'est quand... Ah, je suis d'accord aussi, hein. C'est le seul moment où il m'a vraiment touché, c'est quand tu es avec sa fille et lui, il débarque dans l'appartement. Et la fille demande qui c'est, tu vois. Et il répond, c'est mon meilleur ami, mais on est un peu en dispute, tu vois. Mais il répond, c'est mon meilleur ami. À ce moment-là, je me suis dit, oh. Mais je pense qu'il. Bah, c'est vrai, il est complètement sincère. Mais c'est vrai. Mais je pense que, ouais, je pense qu'il est sincère, hein. Pour de vrai, je pense qu'il est sincère, effectivement. Je suis totalement d'accord. Mais pour autant, déjà, moi, j'ai pas du tout eu d'empathie pour lui tout le reste du jeu. Donc, forcément, j'ai pas eu d'attache. Je l'aimais pas trop en tant que gentil. Et quand il est devenu méchant, j'ai juste trouvé que c'était un méchant, quoi. Après, je dis pas que c'est un mauvais méchant. Son histoire, elle est tragique et c'était intéressant de l'avoir en méchant et tout, tu vois. Je dis pas que le personnage est nul, tu vois. C'est pas ce que je dis. Je dis juste que son design était un peu boring et qu'en tant que gentil, en plus, il était pas. Enfin, moi, j'avais aucune attache pour lui avant, mais en tant que méchant, oui, il a une histoire tragique et. Mais tu vois, tu parlais de Trilla, bah, moi, j'ai été beaucoup plus touché par l'histoire de Trilla. Je trouve que. Elle a pas plus subi que lui. Ils ont tous les deux subi, mais je sais pas, j'ai eu beaucoup plus d'affect pour Trilla que pour lui. Ouais. Mais moi, je trouve que les deux sont géniaux et genre vraiment, j'en veux pas à Cal l'avoir tiré, mais je me dis merde, putain, dans un univers parallèle, ils se font des câlins, quoi. Et je sais pas, et c'est pour ça que je pense que j'aurais aimé qu'à la fin, on passe un peu plus de temps avec Kata pour justement, un peu symboliser cet espoir que je trouve, alors peut-être vous allez pas être d'accord avec moi, mais je trouve vraiment que la fin est tragique et en fait, j'aurais bien aimé qu'il y ait un peu plus de touches d'espoir à la fin, parce que je trouve. T'as ça joué vraiment, après vraiment... le jeu ou pas? Oui, mais même genre tu parles à Kata dans le jardin, quoi. T'as trois répliques, c'est tout, quoi. Ouais, t'as fait des voyages entre les planètes et tout? Ouais. Et c'est vrai que ça a aidé un peu. Mais j'aurais bien aimé une vraie cinématique, tu vois, genre un vrai truc où t'as Cal qui se pose avec elle et qui lui parle et tu vois, parce que Adrien il a tué son père. C'est pas facile de maintenir une relation là-dessus. Non mais je suis d'accord, mais je pense qu'il y en aura une parce que voilà. Ah bah oui. Mais en tout cas. De toute façon, la fin du jeu laisse clairement entendre ça. Enfin, la dernière cinématique, sauf si je me plante. De toute façon, pour moi, c'est de Kata que ça parle. Et il a pas le choix. Meryn l'a adopté avant même de tuer. Bah oui. Avant même de tuer Baud, elle avait déjà. Mais oui. Adopté Kata. D'ailleurs, j'ai adoré le fait que Meryn et Cal parlent de Baud et de quoi faire avec lui quand ils arrivent sur Tanalor, parce que genre, tu sens bien que Cal il se dit bah et tout. On vient et tout, et puis Meryn, elle est là, elle le calme un peu, en mode, genre, ouais, et tout, enfin, les deux marchent trop bien, la dynamique entre Meryn et Cal, elle fonctionne de ouf, et j'étais pas, à la base, un shipper entre les deux, je shippais pas tellement Cal avec Meryn, mais au final, si, en vrai, depuis le roman, si, mais ça marche, en fait, enfin, ça marche trop bien, et Meryn, elle est tellement, tellement bien dans le jeu. Juste avant de passer sur Meryn, juste sur Baud, j'ai envie de dire, je peux pas vraiment dire que j'aurais pas fait des choix similaires si moi, en tant que parent, dans l'univers de Star Wars avec la Force et tout, si j'ai le même vécu que lui, je peux pas vraiment dire que, ouais, je sais pas si j'aurais fait des choix différents. À la fin, sûrement. Mais, ouais. Mais toute la partie avant d'arriver sur Tanalor, avant peut-être de tirer sur le vieux, en fait. Tout ça, en fait, j'étais un peu au début comme, dans le même camp que que Ika, et en fait tout ce qui se passe à la fin a beaucoup remis en perspective le personnage Et je trouve qu'il est très très important. En fait, c'est un personnage qui est parfait pour le développement de Cal. Ah bah oui. Son histoire, en fait, est un miroir parfait. Pour, parce que, justement, comme disait Noshir Dalal, qui joue le personnage et qui n'a pas du tout un design boring, Rika. Mais plutôt BG. Non, mais c'est... Non, mais le mec est BG. Hein. Quand je parle de design, c'est sa tenue, c'est son... Comme la façon dont ils le mettent en avant. mais, comme il disait, c'est... et c'est un des gros thèmes du jeu aussi, de tout ce que Cal doit apprendre aussi, c'est que il a peur d'aimer les gens, mais en fait tu dois pas avoir peur. Il faut que tu aimes, mais il faut aussi que tu perdes jamais espoir, parce que c'était ça aussi. Il avait juste tellement peur de perdre ce qu'il avait. Effectivement, ça c'était la même chose pour Anakin, il a fait des choses qui peut pas regretter parce qu'il est mort en fait. Mais il a sombré du côté obscur. Il a complètement, oui, sur la fin, et c'était juste, oui, à la fin, il préfère mourir, et je pense même, oui, voilà, il sait que c'est fini, mais il préfère mourir que d'arrêter de se battre pour protéger sa fille, même si ça n'a aucun sens. Il fait des choix qui sont ouais, c'est ça. Absolus, quoi. En fait, c'est un terme. mais c'est ça. Il est tellement, en fait, c'est tellement genre embourbé dans cette peur qu'il en vient à faire n'importe quoi. Et comme on l'a dit, à la fin, il pète un plomb, en fait. Il sait plus quoi faire, il sait plus. Et en fait, c'est un personnage qui est tellement intéressant par rapport à Cal, parce que genre, même Cal, à la fin, il est dévasté de l'avoir tué. Il est complètement détruit. Hein. Ah ouais. Bien sûr. Je suis d'accord avec cette affirmation. Il est le personnage, pour autant, même si j'ai moins d'affect que vous deux pour lui, il est super important dans l'écriture. Encore une fois, l'écriture du jeu est géniale et elle est importante pour Cal, en fait. Mm-hmm. Le fait que ce personnage existe et qu'il réagisse comme ça, ça va amener au développement de Cal, d'autant que Cal, il est sur il est pas franchement en bonne position vis-à-vis du côté obscur et tout ça. Il est pas dans son meilleur moment. C'est ça, clairement. Le jeu fini, Cal, il est c'est chaud, quoi. Tu peux toujours utiliser le côté obscur. D'ailleurs, là, à un moment, j'ai voulu juste ralentir le temps, en fait, juste ouais, après avoir fini le jeu. Et en fait, je suis passé en mode meurtrier. C'était pas ce que je voulais faire. Je pensais que ça allait revenir, mais non, c'est toujours là. Ça me fait un petit peu peur, mais bon, on verra. Je leur fais confiance. C'est ça. Moi aussi, maintenant, sur l'écriture, je leur fais vraiment confiance. Ils gèrent vraiment. Ils nous l'ont prouvé deux fois. Ils vont nous prouver une troisième fois. C'est un truc qui va être intéressant dans le prochain jeu. Ça va être Cal, genre son prochain ennemi, c'est lui-même en fait. C'est ça, c'est son côté probablement, obscur. Ouais. C'est son côté obscur. C'est son. C'était déjà un peu le cas là. C'est déjà le cas, oui, bien sûr. Mais je veux dire là, la suite, ça va vraiment être voilà. Il va devoir se remettre en question. Là. Et je pense que ça va être Kata et Meryn qui vont lui faire comprendre voilà que l'amour, que le voilà, c'est la chose la plus importante et qu'en fait voilà. Le côté obscur, c'est la voie facile, quoi. S'il vous plaît, faites pas l'erreur de faire des Jedi gris ou un truc comme ça. Ah ouais, non, c'est fini, ça. Non, parce que c'est Jedi. T'imagines Star Wars Jedi Grey. Oh non. Ah, je l'achète même pas s'il s'appelle comme ça. Hop, putain de merde. Ah, je sais, franchement, faites pas cette erreur-là, s'il vous plaît, Respawn. Mais je pense pas qu'ils le feront. Surtout que c'est vraiment moins intéressant en termes d'écriture que ce que peut raconter une lutte contre le côté obscur. Bah bien sûr. donc, je pense pas qu'ils feront ça. Mais... Non, mais en parlant du côté obscur, le moment où Cal il se laisse aller sur l'officier impérial là. Après le jeu, j'ai beaucoup parlé. Enfin, j'ai parlé à un moment du le fait que Cameron, il a vraiment beaucoup montré de quoi il était capable en termes d'acting. Mais c'est vrai que j'avais oublié cette scène-là où c'est Meryn lui gueule dessus. Et c'est superbe. J'ai vraiment beaucoup aimé cette scène-là. Et ça montre exactement où le personnage de Meryn est. Et un truc qui est très important, justement, on parle du côté obscur, tout ça. Et il n'y aura pas de Jedi Grief. Parce que je ne pense pas que ce soit un truc qui doive exister. Ça n'a aucun sens. Ça n'existe pas. Mais par contre, les Sœurs de la Nuit, elles puisent leur pouvoir dans le côté obscur. Et c'était très intéressant de voir Meryn, qui n'est pas une Jedi du coup, qui utilise le côté obscur, certes, mais le truc, c'est que son cœur est toujours du bon côté. Elle est toujours en train d'essayer de sauver, de protéger. Elle est... Oui, elle fait peur. C'est le The Ghost of Jedi. Non, le Desert Ghost. Desert Ghost. Oui, elle tue des Stormtroopers par milliers, mais elle... Son objectif... Là où Cal, lui, au début du jeu, une grosse partie du jeu, c'est « Je veux me battre contre l'Empire ». En fait, elle était déjà en train... Elle faisait partie du PAF. Et en fait, elle était déjà en train de protéger des Jedi, des Force Sensitive et tout. C'était ça qu'elle faisait. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle protège d'autres gens comme elle. D'autres gens comme lui. D'autres gens comme et tout. Et c'est ça qui la motive. Et c'est ça qui est très important aussi. Et c'est ça la différence, justement, entre Baud et, on espère, plus tard Cal. C'est que Baud, ce qu'il motivait, c'était de protéger sa fille, mais c'est surtout de ne pas perdre ce qu'il avait. Qui est très selfish. Alors que ce que fait Meryn tout au long du jeu, et surtout à ce moment-là où elle remet Cal à sa place en lui gueulant dessus, c'est... Elle le protège. C'est Meryn, elle est tournée vers les autres. En fait, elle est complètement tournée vers les autres. Le premier truc qu'elle fait, elle protège Kata, elle la sauve, elle lui fait de la lumière dans le noir, elle l'accompagne tout le temps, elle s'en occupe, elle l'a comme de sa propre, c'est comme si c'était son vrai enfant dès le début. Et elle va lui apprendre la magie a priori. D'après ce qu'elle lui a dit. Et elle est vraiment dans ce truc-là où, en fait, pendant le jeu, la plupart du jeu, c'est elle qui, plus que serré, je trouve encore, qui montre à Cal ce que ça veut dire d'être un Jedi. Ce que c'est, ce que tu dois faire. Et c'est là que c'est sympa, j'ai trouvé la scène sympa, c'est que c'est elle qui ramène Cal. Tu lui dis non mais stop là, et tu t'enfonces quoi. Exactement. T'empruntes une voie dangereuse, et sauf que alors que elle-même elle puise dedans, mais bon elle est peut-être mieux placée d'ailleurs pour parler de ça, mais elle sait les différences qu'il y a entre un Jedi et elle, clairement. Et c'est l'idée. Et du coup ça me fait penser que cette scène là me fait penser à autre chose, mais l'acting du jeu est formidable. Oui c'est ça. Avoir choisi des acteurs pour faire les deux jeux. Était moins important dans le 1. Dans le 1, je trouvais pas que l'acting était si formidable. Le jeu rendait probablement pas honneur à l'acting des acteurs derrière. Alors que là, l'évolution technologique aidant, hein, bien sûr, je trouve vraiment que... Ouais, même les voix. L'acting, les voix, tout m'a beaucoup plus touché au niveau de l'acting dans le deuxième jeu que dans le premier. Oui, c'est pour ça que je parlais du fait que... Ouais. Cameron, tout ce quatrième acte surtout, à partir de la trahison là, il met tellement... évidemment, oui, ils ont réussi à bien retranscrire son visage et tout, beaucoup mieux qu'avant, mais tu sens aussi énormément de poids dans sa voix, que ce soit quand il est triste ou quand il est en colère, il a vraiment réussi à... et à passer à un autre niveau qui fait vraiment plaisir à voir. Hein. Surtout quand, dans Star Wars, on n'est pas habitué à des gens qui jouent bien, à part dans la post-logie, mais bon, on avait vu ce que ça donnait de toute façon. avec un peu de chance, Andorre va pas être détruit par le capitalisme, mais ça... Et oui, pareil, je pensais qu'on la jouerait, j'espérais. Et au final, on est arrivé au bout du jeu, j'avais complètement oublié que c'était un truc que j'avais envie de faire. Et, vraiment réussi, parce que c'est quand même un personnage très très important qui a beaucoup évolué aussi, Meryn. Donc, très bien. y a tellement d'autres choses à dire, mais je pense qu'on va bientôt s'arrêter. Un truc qui m'a fait rigoler. Ah oui. Oh la vache. Tellement de trucs. Vite fait, j'ai trouvé ça vraiment fun. Le fait qu'on puisse ramener de plus en plus de monde dans le saloon avec des activités, des trucs comme ça, les trucs tout cons de des poissons à récupérer, mais avec un des meilleurs personnages. Ah oui, il est incroyable. Les aventures de comment il s'appelle, Turgle. les personnages sur Kobo sont tous très très cool. Et tout ce qu'on ramène dans le saloon, en fait, on se crée une maison. Exactement. Je trouve ça trop bien. C'est ça, et tu le bâtis au fur et à mesure du jeu. J'ai trouvé ça super bien. T'as vraiment de l'ambiance. Et un truc que j'ai trouvé encore plus ouf, c'est qu'à la fin, quand tu as fini le jeu, et tu continues à jouer quand même, tu reviens, t'as quelques trucs en plus, et comme l'Empire est arrivé, il y a même le Star Destroyer dans le ciel, et ben petit à petit, ils s'en vont de Kobo, un par un. C'est triste. Et vraiment, encore une fois, c'est les mécaniques de jeu qui sont aussi dans la narration, et ça fait vraiment mal au cœur de voir tout le monde partir petit à petit. C'est surtout qu'on a construit ça, quoi. Enfin, ouais, moi, je sais pas, j'ai passé du temps dans le jardin, hein, pour avoir le plus beau jardin possible. ouais, même en bas, et puis à faire les petits holo tactics, là, les trucs comme ça, et discuter. Ouais, ça, je les ai défoncés très vite. Il y a un personnage qui s'en va et on le regrettera pas, mais c'est espèce de vieux bounty hunter là, en blanc avec son chapeau pourri là. C'est celui auquel tu peux acheter des améliorations pour les piou-piou et tout. Alors, funny thing, c'est important de préciser que j'avais dit que j'avais mon New Yorkais préféré dans Star Wars, donc c'est Grease. J'ai désormais mon Australienne préférée. Quoi, c'est pas Omega? Non, non, Omega, c'est pas Australien, c'est... Ah oui, c'est vrai, c'est pas Australien, pardon. C'est Néo-Zélandais. Effectivement. Ah ouais, l'accent. Ça, c'est un truc que j'ai aussi adoré, c'est tous les accents. C'est laquelle? De qui tu parles, du coup? Cage. Mais de Cage? Cage. Ah oui, pardon, mais moi je suis pas bon en accent anglais, du coup j'ai pas reconnu un accent spécifique. Ah, c'est merveilleux. C'est mon personnage bon. Secondaire préféré du jeu, tu sais, mais... oui, je fais exprès d'en parler pour que tu nous en parles un peu vite fait. Personnage secondaire qui a un impact que sur des quêtes secondaires, mais qui permet de faire un petit guest star à la fin, incroyable, mais le personnage a tellement un design qui correspond à... Voilà. Adrien, tout à l'heure, il parlait de son original caractère. Et moi, mon aussi dans Star Wars depuis que je suis gamin, c'est pas du tout un Jedi. Moi, je me suis jamais rêvé en Jedi. Je me suis rêvé en espèce de bounty hunter ou pilote, tu vois, une Han Solo de l'espace ou un truc comme ça, tu vois. Et y a ce personnage-là qui est exactement ça, quoi. elle est exactement ça. Donc, c'est une... c'est quoi son espèce, déjà? Le nom de son espèce? Notolan. Ah, une Notolan, avec un design de cowboy. Il fait semblant qu'il les aime bien. Elle traîne dans le saloon dès notre arrivée. Hein. On arrive dans le saloon, il est vide. Ouais, ouais. Et il y a elle déjà. Ouais. Et elle va nous donner des contrats. Enfin, pas des contrats. Elle va nous donner l'emplacement des bounty hunters qui sont sur notre trace. Et le gros spoil de fin, c'est que le dernier bounty hunting, quelque part, c'est elle, en fait. Sauf que elle ne meurt pas, on n'a pas besoin de la tuer, puisqu'elle est... elle est chopée par Boba Fett, en fait, qui était à sa recherche. Et c'est marrant parce que c'est une personnage que j'avais déjà vu. Enfin, je l'aimais déjà avant de la voir, parce que quand on est sur Coruscant, il y a des panneaux d'affichage de recherche de Cal Kestis. Oui, oui, et à côté, il y a celle à elle. Et je me suis arrêté au début du jeu en me disant, ah putain, elle a l'air trop cool avec son chapeau et tout. Et juste après, on la rencontre dans le saloon. Ah, j'étais refaite. Tiens, d'ailleurs, ils ont mis aucun chapeau ou masque pour la customisation de Cal, c'est incroyable. Alors qu'un petit chapeau de cow-boy avec sa petite tenue Far West, ça aurait été trop bien. Zéro masque, genre style inquisiteur ou ancien, un truc comme ça. Non, un chapeau de cow-boy, ça lui irait tellement bien. Oui, bah oui, mais il y a plusieurs types de trucs. Avec un poncho, un chapeau de cow-boy et son jean. Ouais, incroyable. Parfait. On n'est pas du tout sur Terre ici. Mais du coup, ouais. Et moi, dans les personnages secondaires que j'ai beaucoup aimé aussi, il y avait Mosé. Tu vois, on parle de... Tu vois, il y a des humains, bah, je les aime bien, hein, il n'y a pas de problème. Et je trouve Mosé, bah, j'ai beaucoup plus d'affect pour Mosé que pour Pod, tu vois. Elle a un gros accent. Mais ça, c'est l'accent, ça. Texan, ouais, c'est l'accent. C'est ça, c'est l'accent. Mosé, elle est... Mais ils sont tous bien... On n'a pas parlé de Scuva, mais... bah ouais, vite fait, mais pour moi, c'est le meilleur. C'était bah, il est incroyable. En fait, les personnages secondaires sont assez tous incroyables, parce que Thorgal, je kiffe, il est trop drôle. Scuva, il a un design et ses histoires chiantes, là, des fois, j'écoutais même plus tellement ses histoires sont trop longues, mais en fait... Elle est géniale, son histoire. Mais en fait, l'histoire, elle est géniale, ouais, elle est bien trop sûr. Bien. Parce qu'en fait, dans le jeu, à chaque fois qu'on ramasse un nouveau poisson, on peut lui demander la suite de l'histoire. Il nous raconte une histoire tout le long. Mm-hmm. Et il y a 16 poissons à attraper, je crois. 12, ouais, c'est 12. Et à chaque fois, le morceau d'histoire, il est assez long. Ouais. Mais c'est trop... ouais, le personnage, rien que dans son design, il est super. Il est tout petit. C'est quelque chose sur lequel j'ai pas dit avant, mais c'est l'un des gros points forts du jeu pour moi. C'est la diversité des aliens qu'on rencontre. Les designs sont géniaux pour les nouveaux aliens et nouvelles aliens. Parce que là, je sais plus comment elle s'appelle, mais la marchande sur Kobo. Ah non. Je trouve son design vraiment... La marchande. Ah oui, Doma, elle est Doma, incroyable. Elle est incroyable, Doma. Et il y a une grosse diversité dans les PNJ qu'on recroise. Il y a quasiment pas de copier-coller. Il y a beaucoup... Enfin, il y en a, mais très peu. Il y a beaucoup d'aliens différents. Et il y en a des nouveaux, et les nouveaux sont super, ils s'intègrent très très bien à Star Wars, et ils sont vraiment incroyables. Donc, pour moi, c'est l'un des plus gros points forts du jeu, c'est le travail qu'ils ont fait là-dessus aussi. Ouais, aussi. Et d'ailleurs, en parlant de diversité, il n'y a pas que de la diversité au niveau des designs, il y a aussi de la diversité au niveau des ben, vous savez, LGBT, tout ça, au niveau... parce qu'il y a plusieurs personnages qui sont clairement... LGBTQ oui, dans le jeu et plusieurs couples lesbiens, le couple des vieux gays avec celui qui est de la même espèce que Claude là. Les vieilles commères insupportables, mais tu vas tout le temps les revoir quand même. C'est vraiment les pires et vraiment plein de trucs comme ça et un détail que j'ai vraiment, vraiment adoré, c'est que si Cal ne connaît pas le genre d'un personnage, il va toujours utiliser « they » quand il parle de ces personnages-là à d'autres. Plusieurs moments, il parle avec Doma Dendra, et il utilise « they », le « they » singulier, le neutre pour des personnages. Et d'ailleurs, c'est dans plusieurs data entries. Et déjà, rien que ça, ça paraît con, mais c'est énorme d'avoir ça, surtout dans une époque maintenant, là où ça devient assez hostile dans tout ce qui est... parce que maintenant, c'est le nouveau truc. Hein, la transphobie, c'est vraiment le truc qu'on pousse un peu partout dans le monde maintenant. Et avoir le personnage principal qui utilise le neutre, j'ai trouvé ça vraiment vraiment génial, un peu émouvant même. Et c'est ça qui est bien. Et je savais que Respawn, ils étaient très divers derrière, enfin, au niveau du crew. Et ben, ça se ressent, hein, quand c'est le cas. Et parce qu'ils font attention à ce genre de détails. Et ça, c'était vraiment, vraiment inattendu. Et vraiment bienvenu. Rien à redire là-dessus, c'est vrai. Ah, c'est trop bien. Et sinon, Meryn qui flirte avec Mosey juste après avoir embrassé Cal, c'était génial aussi. Quand ils arrivent là, oh, j'aime bien ta hache. Voilà. Ils sont vraiment bien, les persos. Je suis en train de repenser en parlant de persos secondaires et j'étais un petit peu déçu, mais c'est rien de grave. C'est la neuvième sœur qui meurt dès le début du jeu. C'est trop rapide, j'ai trouvé ça. Je sais que l'idée, c'est de dire non, mais en fait, les inquisiteurs, les inquisitrices, c'est derrière nous. Et dès le début du jeu, il nous explique non, mais ça, vous inquiétez pas, ça sera pas le sujet du jeu, en fait. Et c'est un peu une manière de nous le dire avec un combat. C'est le premier combat de boss qu'on fait, c'est dès le début du jeu, on sort à peine du tuto et on la tue. Ah, moi, j'ai adoré, hein. Mais moi, j'étais un peu triste qu'on la tue, un peu. Moi, je l'aimais beaucoup, alors c'était difficile de lui dire au revoir si vite. Moi aussi, même si en fait, je trouvais que, déjà, ça servait, comme tu disais, montrer que les inquisitoristes, c'est derrière nous. Mais ça servait surtout aussi à montrer que Cal, il a grandi, quoi. S'il arrivait à lui mettre un coup de sabre sur l'épaule dans le 1, là, il la décapite, quoi. Et surtout, il fait ça vachement bien, parce que tu sens que, juste après l'avoir tué, au moment où justement il se pose, il se dit merde, genre waouh. Et en fait, tu sens qu'il est pas bien. Et c'est là où je trouve qu'il y a un grand gap, c'est qu'il est en train de devenir un grand Jedi. Parce qu'en fait, il vient de prendre la vie et tu le vois sur son visage qu'il aime pas ça. Non, mais d'ailleurs, il lui laisse le choix, comme à Bode. Et oui, il lui laisse le choix. Avant ça, il lui dit, mais fais pas ça. Et elle le fait quand même. Ouais. Et ce combat avec la 9e sœur finit comme celui avec Bode. J'adore à quel point genre il est posé. Et en fait, je trouve que ce combat alors je dirais pas que c'est mon préféré du jeu, mais je trouvais que il mettait bien l'ambiance, quoi. Il sonnait bien, voilà, maintenant t'es dans une nouvelle aventure et ton cadre là, il a changé, quoi. C'est plus un bébé, quoi. Il rigole plus et c'est en train de devenir un vrai Jedi, quoi. Bah, et encore, moi je trouve que ça montre aussi à quel point il est vraiment le Jedi de The Clone Wars, plus que un vrai Jedi, c'est-à-dire qu'il est vraiment dans ce côté guerrier et meurtrier des Jedi, et il est quand même pas mal perdu déjà à ce moment-là. Ouais. Ça fait 5 ans, hein, mais justement, ça montre aussi qu'il est quand même vachement. Il hésite pas à ôter la vie. Bah, tu sens que. Ah, si, en vrai, il hésite, moi, je dirais. Il hésite pas. Il laisse une porte de sortie, mais. Oui, c'est ça. Il hésite pas. Il laisse une porte de sortie. Il laisse le choix. Et. Mais s'il faut tuer, il faut tuer. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que, pour le coup, ça reste un Jedi post-High Republic, donc. voilà, ça reste un guerrier, quoi. Ouais. Attends, il a connu la guerre toute sa vie, le gosse. Hein. Ah ouais, c'est trop bien les Jedi, hein, les enfants soldats et tout. C'est vrai que c'est bien qu'ils te remettent ça en perspective, parce que t'oublies tout le temps, mais la fâche, ils étaient quand même fucked up, c'est taré. Ouais. Il va refaire la même chose avec Kata, vous allez rire jaune. Oh ah putain de merde. Bah non, parce que justement, maintenant, ils ont complètement la possibilité de juste être ailleurs, de vivre ailleurs, d'être en paix. Justement, il a cette chance-là de pas le faire. C'est vrai. On verra bien. vite fait, on a parlé très très vite fait de Ravis, mais voilà, il était très bien. Les Bedlam Raiders, j'ai adoré me battre contre des droïdes. J'adore toujours me battre contre des droïdes, c'est vraiment les meilleurs. Ils sont très drôles. Dans tout, mais même si c'était pas ces droïdes-là, je préfère mille fois. Me battre contre des droïdes que contre des êtres sentients, évidemment, les Stormtroopers. Même ça, c'est un peu compliqué des fois. Mais les droïdes, ils sont vraiment incroyables, surtout les B1. Surtout qu'ils ont mis pas mal de démembrements dans cet opus. Moi, je l'ai désactivé très très vite. Ah ok. Moi, je savais pas qu'on pouvait les désactiver, j'avais pas vu. Et ouais, j'ai pas vraiment de problème, et en même temps, j'en ai un avec. Enfin, qu'en ait un de temps en temps, c'est pas grave, mais là, ça arrivait quasiment à tous les combats. Donc avec les droïdes, c'est fun. Avec les Stormtroopers, ça l'est un peu moins. Alors, en vrai, je me dis... Alors, j'ai joué avec les membres parce que je savais pas qu'on pouvait les enlever. Moi non plus. Et en fait, je me dis, au final, c'est con, mais le fait de démembrer des bras... Parce que c'est tout ce qui coupe, hein, des bras et des jambes. Je me dis... Ouais, ça veut dire... Dans Moine Canon, je me dis... Ouais, il les a pas tués, il les a juste démembrés, ils vont se relever, repartir. C'est pas grave. Et réfléchir à leur avenir, tu vois. Je disais aux enfants, et il les endort. Ah, bah oui, ouais. They're sleeping, it's okay. Le sabre, c'est un sabre qui fait dormir. C'est ça. Mais parce que tu vois, je pense que ça m'aurait beaucoup plus dérangé s'il coupait des têtes ou, tu sais, des ventres. Il y a quand même des limites, hein. Ouais, mais là, les bras et les jambes, ça me choque moins. Ils ont fait exactement comme dans. Ils coupent des têtes. Dans Jedi Outcast, c'est juste des jambes ou des bras. Enfin non, dans Jedi Outcast, c'était que des bras. Mais... Oh merde. Oui, d'ailleurs, au final, est-ce que Cal Kestis, c'est pas le Kyle Katarn de ces nouveaux canons Star Wars ? Si, totalement. C'est totalement ça. Désolé, rien. Mais en mieux. Hein, en mieux, oui, en mieux. En même temps, c'est pas la même époque, donc forcément. Il y a des années et des années d'expérience derrière qu'il n'y avait pas à l'époque. Mais vous allez voir Cal Kestis débarquer dans l'Académie Jedi de Luke Skywalker. Ça va arriver. Hein. Ça va arriver très fort. Hein. J'espère qu'on verra jamais Luke. Plus jamais. Ah juste, ouais, pareil. Dans, ah ouais. Dans rien du tout. Plus jamais. Ah ouais. Non, ça va arriver très fort avec Cal Kestis, c'est sûr. Mais je veux plus jamais le voir. Enfin, si, vous pouvez le mettre dans le film de Filoni. J'ai pas envie de le voir, de toute façon. Allez. Est-ce que vous avez d'autres trucs ? Oui, un détail qui m'a fait vraiment beaucoup rire, c'est que à quel point les effos, c'était super important dans le premier jeu, et là, c'est genre... Non. C'est genre... Oh, Maître Cordova, alors déjà, je m'attendais jamais à le voir vivant. Ouais, pareil. J'étais là genre, what the fuck, qu'est-ce qu'il fait là ? Et puis, c'est genre... Alors, vous avez suivi les effos ? Ouais, bon, ta gueule. Et puis c'est tout, et plus jamais on parle des effos et tout, et puis là maintenant on parle de la Haute République, ok. Après c'était plus important, il y avait plus important que les effos, tu vois. Oui, mais ça me fait trop rire parce que genre quitte à continuer le truc d'archéologie et tout, un peu de tout ce côté Indiana Jones qu'ils ont les deux jeux, je pensais que ça allait peut-être continuer quand même un peu les effos. Non, juste non, ta gueule. ça ne mène nulle part. Allez, casse-toi, Cal. C'est bon, on a fait tout ça. C'est dans le passé maintenant, hein, mon petit père. Faut grandir maintenant. c'est vrai que c'était comme ça. Ça m'a beaucoup fait rigoler. D'ailleurs, t'as raison. Ça, c'est un truc qu'on n'a pas dit, mais ils ont réussi à garder ce côté. Qui vient un peu d'Uncharted, mais Indiana Jones. Oui, un petit peu archéologie, on est beaucoup dans des ruines, dans des vieux trucs. Donc là, c'est la Haute République qui est ciblée, qui est parfaite pour ça, d'ailleurs. Même si sur Jedha, c'est encore autre chose. Mais ça... Jedha, c'est... Ah d'ailleurs, Jedha, j'ai trouvé ça génial. Hein. C'est les ruines des adorateurs des Jedi et tout. Enfin, c'est de la force, ouais, des Jedi. D'ailleurs, tu as vu, Adrien, la statue de Jedi, là, c'est un Autolan. Oui, et je me demandais si alors j'ai pas encore lu toute la deuxième phase de la High Republic. Et oui, on voit pas, on n'en parle pas de ce Jedi. Ça, non, tu sais jamais vraiment ce que c'est juste les statues, elles sont là, elles sont magnifiques. Ouais, elles sont chouettes. Tu parles même pas, ils parlent d'une seule statue d'ailleurs, je crois, dans le livre, donc. Ah oui, d'accord. Ouais. Mais voilà. Et du coup, Adrien, vite fait, avant qu'on finisse, t'avais dit qu'il y avait qu'il y avait un truc qui était comment on dit incohérent. Et j'aimerais savoir si c'est le même truc que moi. Oui, je pense par rapport à la Haute République, par rapport à Vas-y. Non, vas-y, toi d'abord, je t'écoute. Pour savoir si non, c'est non, pareil. Toi, c'est toi qui voulais en parler. Alors, moi, parce c'est trouve, déjà, j'ai mis du temps avant de bien saisir à quel moment Dagon Gera a été mis dans le Bacta, et a priori, c'est aux alentours des événements de la phase 1. Ouais. Avant. Okay. Avant non, même, c'est impossible. Penses... C'est impossible, pas avant, parce qu'il parlait de... Il parle brièvement des Nihils qui attaquent. Oui. En fait, et c'est ça. Il y a un souci dans la continuité. J'ai l'impression. Ah, je viens de comprendre le souci. Ouais, je vois l'incohérence. Ouais. Parce que normalement, comment ils font pour arriver là sur Tanalor? Comment ça se fait qu'ils arrivent là et qu'ils ont une bataille avec les Jedi? Mais il n'y a pas encore eu la grande catastrophe. Parce que la grande catastrophe, elle a lieu quand... C'est l'élément déclencheur, en fait. C'est ça, quand elle veut c'est faire le... C'est le tout premier truc. Non, c'est pas l'élément moi, déclencheur. C'est après. La grande catastrophe, elle arrive quand elle veut le faire libérer du Bacta. Sa pote. Elle... Non, mais pour même, moi, voilà, ça, ouais, c'est ça. Ça veut dire qu'il y a déjà eu le combat contre les Nihils avant la grande catastrophe, en fait. Ouais, c'est chelou. À moins qu'il y en ait une deuxième dans la phase 2. Non, et à dans mon ce cas-là, avis, okay. À mon avis, Dagon qui veut montrer Tanalor, qui veut, voilà, début de la phase 1, Dagon qui se fait cryogéniser, fin de la phase 1. Mais c'est pas logique, parce que la grande catastrophe, elle a lieu, Dagon, il est déjà enfermé. Parce que oui, sa copine, elle donne la clé au robot en disant, va là-bas, il faut libérer Dagon. Oui, et on voit la lune qui se fait péter à ce moment-là. Et ouais. En fait, on sait que la lune, elle se fait péter à cause des émergences. Ah, tu penses? Ah, c'est mais sûr. Oui, c'est écrit dans les data entries. Ah, merde, j'ai même pas fait gaffe. Kobo est évacué à cause de l'émergence. Eh oui. Ben, moi, c'est là où il y a un truc qui m'a fait tilt. Déjà, je me suis dit, une cuve de Bacta pour ça, alors que le Bacta, c'est quand même relativement rare au moment d'avoir... Ils ont pas dit que c'était du Bacta. Hein. Si, ils l'ont dit. Si, ils le disent. Ah, j'en c'est une cuve de Bacta. J'en suis sûr. Bah, ça c'est aussi, c'est chelou. Bah, c'est pire que chelou, c'est que ça existe pas dans la phase 1. Enfin, ils sont en train de le faire. Voilà, ils sont en train de le développer. Tout début. Non, alors, tu peux te dire qu'il y a eu une cargaison spéciale et qu'ils en ont eu en avance. Ok. Deuxième truc que j'ai trouvé très bizarre, c'est qu'à un moment donné où tu vois le flashback, où tu vois plein de vaisseaux qui sortent de l'hyperespace au-dessus. Et tu te dis, merde, il y avait déjà des routes pour Kobo, ici, qui s'arrêtaient. Vraiment en face de la planète? Bah non. C'est possible. C'est pas Kobo déjà, c'est Tanalor. Oui, Tanalor. Mais et tu te dis, c'est bizarre, quoi. Alors, bah ça, non, ça c'est pas. Les PAF. Ça, justement, c'est comme ça qu'on sait que c'est les Nihils, parce qu'ils n'utilisent pas les routes normales, ils utilisent les PAF. Ah, sont ouais, un truc ouais, alternatif. Mais justement, ouais, ça n'a vrai. Aucun sens. Qu'est-ce qu'ils feraient là avant la première. Avant la grande. Le désastre. Avant le désastre avec les émergences, ouais. Et ouais. Alors, en fait, moi, j'ai trouvé que... Ils sont pas censés être en conflit avec les Jedi à ce moment-là. Moi, j'ai trouvé que, de toute manière, la Haute République était un peu... Je pense sincèrement qu'ils ont vraiment, à mon avis, juste lu le plot de base à base de... la Haute République, c'est quand il y avait des Jedi, c'était gentil et fort et brave et sage. Et ça s'est arrêté là. Je pense qu'ils n'ont pas cherché plus loin. Non, clairement pas. Ouais, ouais. Bah, il y a des incohérences, vrai. Mais comme ils parlent des Nihils, comme ils parlent... Ah, je sais pas. Mais non, je pense qu'il y a moyen de raccrocher les wagons en faisant un peu de gymnastique intellectuelle. C'est Star Wars. Mais en fait, oui, c'est pas logique que l'attaque des Nihils se déroule avant l'émergence. C'est ça, là, l'incohérence. C'est ça qui est, oui, voilà, difficile moi, à expliquer celle-là quand j'avais même. Vu. C'est quand même difficile à justifier, ça. C'est ça qui est chelou. À moins que ce soit différent et qu'il y ait eu l'émergence avant, mais qu'ils n'avaient pas encore évacué, bah non, parce qu'on le voit exploser. Parce que j'ai même envie de répondre que les vaisseaux qui arrivent en hyperespace, même si ça n'avait pas été des Nihils, c'était pas grave. Parce que pour pouvoir arriver sur la planète, ils doivent passer en hyperespace pour passer les abysses, là, je sais plus comment ils appellent ça. Abysses. Ouais, c'est les abysses. Pour passer les abysses, ils doivent passer en hyperespace et ils suivent une route. D'ailleurs, Kalos aussi, ils suivent une route au final. Donc, ils auraient pu tous suivre une route et arriver en hyperespace devant la planète, comme Cal. Voilà, ça, ça aurait pas été illogique. Le problème, c'est que ça soit des nihils, quoi, clairement. Il y a un gros souci là-dessus. Ouais. Mais on est sûr que c'est des émergences, le problème, du coup, là? Ben oui, parce qu'ils le disent que quand la Lune explose, c'est à cause de l'émergence. C'est dans les... Quand tu débloques la cinématique et tout, t'as le lore qui s'affiche dans le pad, tu peux aller lire. Et en fait, Kobo a connu une émergence qui a fait exploser sa Lune. Et quand la planète est évacuée, c'est à cause de l'émergence. Donc ça veut dire que la Jedi, la pote de Dagan, là, elle donne au robot la clé pour aller libérer Dagan, donc ça veut dire qu'il est déjà prisonnier, au moment de l'émergence. Bah ouais. Après, il y aurait une explication possible. C'est que les émergences, elles se sont déroulées sur du temps long. Et potentiellement, il y a des émergences qui ont eu lieu des mois après. Enfin, d'ailleurs, c'est le cas, il y a eu des émergences qui ont eu lieu des mois après, voire pourquoi pas une émergence qui serait arrivée un an, deux ans après, quoi. Pourquoi pas? Ouais, mais qu'est-ce qu'ils auraient foutu sur Tana alors? Et surtout, pourquoi ils y sont pas restés? Ça, c'est bizarre. Les Nihils? Bah, après, c'est peut-être que c'est comme nous, ils sont arrivés, ils ont vu qu'il y avait que dalle et ils se sont dit, bon, bah, ouais, bof, pas très intéressant. Les Nihils, c'est vrai que dans les planètes, on n'en a pas parlé, mais celle-là, elle compte comme une planète à part entière, mais en même temps. Bon, il n'y a rien dessus. Tana alors, ouais. Et les Nihils, ils ont aucune raison sur une planète. Surtout où il n'y a rien dessus. Bah si, enfin, oui, c'est surtout vrai. Celle-là qui est pas accessible, ouais. c'est parfait pour eux. Mais en tout cas, je suis content de voir que je suis pas le seul à avoir été titillé un peu par l'utilisation de la Haute République. J'avais peur. Les ruines sont superbes. Oui, mais alors encore une fois, c'est pareil. Ils mettent des symboles Jedi partout, mais pas le symbole de la Haute République Jedi. Mais t'as vu quoi sur les robes des personnages et tout? C'est le symbole de la Haute République. Alors, Non, d'accord, mais sur les murs et tout, c'est pas le symbole de la Haute République. Bah c'est non, le symbole c'est Jedi qu'on connaît. Dalle. Oui, mais même le symbole de... Non, moi je trouve qu'on voit... Tu sais, le symbole avec les... Attends, je vais vous le trouver. Mais en soi, vraiment, j'ai trouvé que... Dans tous les sanctuaires, là, visuel... quand tu ouvres le truc pour avoir ton fragment de force et tout, quand tu finis le sanctuaire, c'est le symbole des Jedi. Enfin, je comprends pas. Parce qu'il y a un logo spécial Haute République aussi pour les Jedi, mais justement, ils les ont sur eux, les personnages. Hein, c'est pas forcément sur tous les trucs, parce que c'est pas... Et surtout, c'est ce symbole-là qui apparaît en plus sur... C'est l'espèce, le symbole un peu comme le symbole Jedi habituel, sauf qu'il est beaucoup plus ailé. Les bords sont beaucoup plus comme des ailes, non? Ouais, c'est ça. Il est dans tous les sanctuaires quand tu ouvres. Mais oui, mais je sais pas ce qu'il raconte, Adrien. Ah bah non, j'ai peut-être de bêtises, alors désolé. Justement, j'ai trouvé ça. Moi, j'ai trouvé justement que c'était encore. Que c'était bien foutu parce que la phase 2, la phase 1, c'était très doré, blanc. Et là, donc déjà, c'est ce qu'ils ont beaucoup utilisé là aussi. Mais aussi, ils ont utilisé beaucoup de bleu qui est aussi la couleur de la phase 2 de la Haute République. Et qui faisait bizarre, genre pourquoi ils utilisent autant de bleu. Et puis bah, là, en fait, tu vois, c'est effectivement les trois couleurs de la Haute République, c'est or, blanc et... bleu ensuite. Et bleu. Et du coup, moi, j'ai trouvé justement que au contraire, c'était vraiment bien foutu. C'est l'inverse de toi, Adrien. Ouais, non, c'est vrai. Mais j'aurais aimé plus de... Ouais. Peut-être plus de pas de lore de la République, mais je sais pas, peut-être plus de... Enfin, ouais, comme j'ai dit, j'ai vraiment eu l'impression qu'ils ont vraiment lu... Bon, bah, ça se passe avant, et les Jedi, ils sont gentils et sages. Ok, compris. Merci, les gars. On a notre base... Sans chercher plus loin. Non, en même temps, est-ce qu'ils ont vraiment besoin de chercher plus loin pour ce qu'il y a dans le jeu? Bah, la preuve, puisque sinon, on n'aurait pas eu à retrouver, à dire autant de trucs. Mais que toi qui a dit ça. Moi, j'ai des soucis par rapport à la timeline, mais c'est tout. Hein. Tout le reste de la représentation, je trouve que ça représente bien ce qu'ils étaient, les Jedi, à ce moment-là. Et justement, le fait que Dagan, il se sente plus pissé, justement... Je trouve que ça va bien aussi avec ce moment-là. C'est exactement ce que... Enfin, tu sais, il se voit tellement de haute estime à cette époque-là. Et justement, c'est le problème... C'est un avant-goût de ce qu'étaient les Jedi Après, pendant la prélogie. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oui, tiens, d'ailleurs, pourquoi on n'a pas de, dans les esthétiques, pourquoi on n'a pas de robe, la robe Jedi qu'on trouve sur Jedi est hyper ancienne, mais du coup, elle est nulle à chier. En fait, toutes les tenues qui font un peu Jedi, je les ai trouvées dégueulasses. Pareil. Ouais, dans le jeu. Ouais, on est d'accord. Alors qu'il y avait, justement, il aurait pu récupérer, sauf le Drifter, la tenue Drifter qui fait pas vraiment Jedi, mais ça s'en rapproche et je trouve que celle-là elle a vraiment des variations qui sont superbes. Mais toutes les autres qui sont plus vraiment clairement inspirées des tenues de Jedi. Après, moi, je le dis tout le temps, hein, j'aime pas du tout le fait qu'ils soient allés avec des tenues comme ça dans la prélogie pour les Jedi, mais. Mais là, par exemple, Ika nous partage une photo, sûrement d'un mode ou un truc comme ça, où Cal, il a des robes de la Haute République, et pourquoi on n'a pas eu ça? Pourquoi il n'y en avait pas, genre, Ouais. C'est comme dans le premier jeu. Il nous laissait avoir la tenue d'Inquisiteur, mais pas la tenue de Jedi de Cal. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est trop dommage. Franchement, les tenues vraiment, de Jedi sont vraiment, vraiment moisies. Encore une fois, on pourra faire confiance au mode pour ajouter des trucs sympas quand on joue sur PC. Hein. Bah il y en a déjà pas mal. Je suis pas sur PC. Donc il y a des robes Jedi dans les modes et tout. Moi non plus, je suis sur PS5 pour le coup. Et j'ai regardé un petit peu les modes et il y en a des vraiment cool, Adrien. Tu pourras. Notamment, il y a un mode qui permet de créer un personnage féminin. Voilà. Ah, c'est plus Cal Kestis, mais. Ouais, mais voilà, par exemple, si tu fais pas l'histoire, c'est très bien aussi. Ah oui, exactement. Ou alors ça peut être un personnage trans aussi. Tout à fait. Bref, voilà. Et puis, n'hésitez pas dans les commentaires à nous dire comment vous vous habillez. Et si vous vous mettez tout nu, évidemment, pour Cal, on espère vite un patch pour pouvoir faire ça. Envoyez des screenshots surtout. Ika, un dernier mot peut-être ou pas? T'es devenu mon meilleur jeu Star Wars. Voilà. Ouais, et pareil. Toi, Adrien? Pareil, c'était incroyable. J'ai trop hâte de la suite. Ouais. Et oui, dans trois ou quatre ans, on verra. Mais on se retrouvera bientôt. Et gros bisous, que la force soit avec vous. J'ai pas de blague à faire. On a parlé trop longtemps. Gros bisous. Bye. Et bisous à tout le monde. Bonjour, je suis T1BB, droïde de protocole à bord du Faucon Millenial. N'oubliez pas de suivre ce podcast sur Twitter, Facebook, ainsi que sur vos plateformes de podcasting préférées. Bisous.